Il est à peine 17h à Montréal en direct de la brasserie Elm sur la rue Bernard. Mais quelle chance j'ai d'être entouré de l'étalon sauvage Fred Savard. Ben là. Bonsoir. Du doux koala Olivier Niquet. C'est moi. De la venimeuse papille Jean-Sébastien Girard. Non, ben non. Ça va beaucoup trop loin. Et de notre merveilleux public qui trouve que la soirée est encore... Ah, bon dimanche ensoleillé tout le monde. Mais quelle belle émission on a pour vous cette semaine. Ben pas cette semaine, aujourd'hui. Ouais. On est dimanche quand même. C'est notre édition dominicale, on toujours plus calme. Dominicale. Dominicale. République dominicaine. Dominicale. Dominicaine, c'est pas pareil. On dit pas non un jour de faire l'émission de la République dominicaine, mais c'est pas encore. On n'a pas les moyens, Fred. Ah. Avec le salaire qu'on vous paie, mon ami. Non, j'avoue. On va recevoir Alain Lefebvre en première heure. On est très heureux. On va recevoir aussi Léane Labrèche d'Or en deuxième heure. Entre les deux, nous aurons notre première chroniqueuse féminine à l'émission, Barbara Judith Caron, qui va être très bonne. Je vous l'annonce tout de suite. On l'a essayé. C'est vite dit comme ça. Bon, je vais aller là-dedans. Ouais, non, je ne veux pas le dire comme ça. Mais franchement, ça s'annonce très bien parce que vous savez qu'elle va nous parler d'économie. Ah oui. Est-ce que vous êtes un bon économiste, frère? Zéro. Est-ce que vous êtes capable de gérer vos finances? Quand même. Ah, oui. J'en ai pas beaucoup à gérer, alors c'est assez simple. 2-3 piastres, regarde. Je fais-tu des bonbons? Ben non. Est-ce que vous avez passé un bon gros samedi soir, Olivier? Oui, moi j'ai fait mon pool de hockey hier soir. D'ailleurs, c'est la première fois que vous participiez pas. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait personne de connu, comme dirait Fred, tu sais, dans les participants. Mais bon. il se détache des jokes chiennes qu'il fait, vous les mettant sur le dos. Non, mais je donne le crédit quand même. Ben ouais, non, c'est correct. Puis sinon, après ça, ben, j'ai écouté un petit bout de l'émission selon l'opinion comique à MaTV. Puis je trouve que ça ressemble un peu à notre émission quand même. C'est vrai? C'est des blagues sur l'actualité. Il y avait un invité d'honneur, c'était Laurent Paquin. Puis aussi, en fait, la seule différence, c'est que le public rit, contrairement à ici où il y a juste nous qui rit. Et à place d'avoir Jean-Sébastien qui fait des jokes de Facebook, ben c'est Kim Lizotte qui fait des jokes de Facebook. Ah! Ça doit être plus drôle quand même. Je sais pas, c'est ça. J'ai pas regardé longtemps, mais la semaine prochaine, je vais écouter plus longtemps. Faites une bonne critique de télé quand même. Quand même. Fred Savard. Moi, vous savez que samedi soir, je suis brûlé après l'émission. Alors, j'aime bien prendre un bain d'algues et lire le Courrier international. Ah oui, c'est ça que vous faites. Hein? Tout à fait. Mais vous donnez une performance le samedi mémorable. Ben, vous êtes très gentil. À chaque fois, je me pose la question, va-t-il être le dimanche? Oui, mais ben, oui, non, mais quand même, je suis un professionnel. Ben oui. Et écoutez, il y a une grosse controverse en Allemagne et ça me touche pas directement, mais c'est assez particulier. Faut-il dépénaliser l'inceste entre frères et sœurs? Je niaise pas. C'était vraiment un article. Il y a une grosse. Parce que le Conseil d'éthique allemand s'est prononcé contre l'interdiction par la loi. Vous savez qu'en Allemagne, c'est interdit d'avoir faire le grand mambo entre frères et sœurs. Et là, il y a des gens qui disent, bon, on pourrait peut-être le permettre. Et là, moi, ça me touche pas. Je suis en couple, mais je me dis peut-être pour les. J'ai des amis qui sont célibataires depuis longtemps, qui trouvent rien. Je me dis peut-être se tourner vers sa propre famille, c'est peut-être une solution pour être en couple. Alors voilà, c'était la réflexion que j'avais. Et après ça, je suis sorti du bain. Subitement. Ouais. Et j'étais allé me faire un gros milkshake. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ben, quand même, c'est à lire. C'est cette semaine dans le Courrier international. Je n'en croyais pas mes yeux. C'est un journal sérieux quand même. Mais voilà, il y a des gens qui se penchent sur ces sujets-là. Vous l'avez lu dans votre main avec votre sœur? Non, franchement. OK, mais non, je pose des questions. On n'habite pas dans la même ville. OK, parfait. Jean-Sébastien, vous avez fait quoi, vous? Ben, moi, j'ai lu le magazine Véro, qui célèbre déjà son premier anniversaire, déjà un an pour le magazine Véro. Ça fait un an. Une édition spéciale. Il y a des gâteaux, donc ils font vraiment déjà un an, puis ils brandent beaucoup sur déjà leur premier anniversaire, 4 éditions par année. Ouais. Honnêtement, j'avais jamais lu le magazine. J'ai été étonné. J'étais réfractaire, a priori. Je me disais, bon, voilà un autre magazine féminin. A-t-on vraiment besoin de ça? Mais je me suis dit, OK, pour vrai, on sort un peu des sentiers battus. Je me sentais un peu coupable d'avoir ri de ce magazine. À preuve, il y a un reportage spécial sur un sujet presque aussi audacieux que ce que vous avez lu dans le Courrier international. Allez-y. Je pense que c'est la première fois qu'on aborde ce sujet-là. Ça va comme suit. C'est sûr. L'amitié entre hommes et femmes est-elle possible? Wow, ouais, quand même. Hein? ça montre une forme d'audace, pareil. Ça fait longtemps. C'était super intéressant. Est-ce que ça fonctionne? Et les invités, je ne sais pas. Je ne me suis pas vraiment posé la question. Jean Héroldi, Pierre Yvelard font partie de ceux qui en parlent. Il n'y a pas de filles non plus dans cette table ronde-là. C'est super intéressant. Je me suis dit, effectivement, je me suis posé la question. mais je trouvais pas vraiment de réponse. Est-ce que ça se peut, l'amitié entre gars et filles? Une chose, par exemple, pour laquelle je suis certaine, en fait, c'est que moi, j'aurais jamais envie d'avoir une amie comme fille. Ah? Ça m'intéresse une pas. Une amie? Tout. Oui, fille. Ouais. Ça une m'intéresse fille, pas. Une fille comme amie. Une fille comme amie. Ouais, OK. Je pense qu'on a autant besoin de ça hein, qu'un coup de barre en arrière de la tête, pour vrai. Franchement. Vous avez juste des amis de filles, Jean-Sébastien. Vous avez des amis de filles, vous? Ben oui. Ah ouais? Ben oui. Ça vous apporte quoi? Ben, c'est super intéressant. Je veux dire, je les connais depuis longtemps. On a partagé des moments ensemble et il n'y a jamais eu d'amour. Il n'y a jamais eu de. Oui, c'est possible. Ouais. Mais en ça prend une certaine maturité, ça, je l'avoue. Là. Moi, je trouve ça plate, les amitiés avec les filles. Alors, j'ai même fait une liste des raisons pour lesquelles ça ne m'intéresse pas d'avoir c'est ça. Des amis filles. Alors, voilà. Juste vous dire. Oui, hein, oui. Il y a votre futur ex-meilleur ami qui est assise dans la salle. Allô? Ben voilà. Alors, tout d'abord, parce que je supporte pas ça, moi, Jean-Philippe, dans la vie, d'aller dans un apporter votre vin avec quelqu'un qui apporte une bouteille de rosé. Parce qu'il y a rien, Jean-Philippe, dans la vie qui me fend plus la face que de partager un dessert au restaurant. Également parce que il y a rien que j'aille plus que d'aller au Renaud-Bré avec quelqu'un qui a 35 ans et qui se garoche en premier lieu dans la section de la vaisselle funky et des crayons avec des petits bonhommes dessus. Mon Dieu. Parce que j'aime pas ça, moi, les anecdotes longues, sans punch. Parce que je suis trop occupé, Jean-Philippe, dans la vie pour recevoir 140 textos par jour qui me demandent « C'est-tu normal qu'il m'ait pas rappelé? » Parce que ça me tente pas, Jean-Philippe, d'entendre des phrases creuses comme « Moi, à 40 ans, je sais peut-être pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. » Parce que ça m'exaspère de faire des petites blagounettes subtiles à quelqu'un qui vient toujours les yeux pleins d'eau. Parce que j'aime pas ça me casser la tête avec des niaiseries, du genre de détails. Nya, nya, nya, mon mari m'a trompé, il est parti avec une plus jeune, puis les enfants. Écoute, ma grande, t'es pas la première et t'es pas la dernière à qui ça va arriver. Mon Dieu. Seigneur, Jean-Sébastien, vous êtes un être horrible. Oh, Jean-Philippe, il y a rien que j'aime plus dans la vie que les gens qui savent que je fais des blagues à la radio. Oh. Alors, chère Marie-Claude B., chère Marie-Pierre O.M., chère Sophie T., chère Julie B., je vous aime beaucoup. Et oui, l'amitié entre hommes et femmes, ça se peut. C'est lourd, mais ça se peut. Et comme vous dites, bisous, bisous. Merci, Jean-Sébastien. C'est vrai que c'est lourd, mais c'est vrai que ça se peut. Olivier, l'Internet, ça existe toujours? Oui. Les gens nous rejoignent. Bien, les gens peuvent aller sur notre site radiotraditioncanada.ca/lasoirée. Ils vont trouver un formulaire pour assister à l'émission au Helm, au 273 Bernard Ouest à Montréal. On est aussi sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune. Et vous pouvez nous écrire à lasoirée@radiotraditioncanada.ca. J'aimerais prendre deux secondes pour répondre à un auditeur qui nous a écrit, JC, qui nous demande « Je suis en processus de création d'une page Facebook et je ne suis pas capable de mettre de parenthèse ou de crochet dans le nom de la page. Je sais bien que j'écris à la soirée et non à la sphère, mais étant donné que vous avez dû faire face au même problème que moi, je me disais qu'on pourrait s'aider. Ben oui, parce qu'il y a le « encore » est entre parenthèses dans notre nom. Alors, je suis allé voir sur Facebook et ça dit qu'on ne peut utiliser des symboles ou des signes de ponctuation inutiles. Alors, si votre page s'appelle genre « MDR » entre parenthèses, point d'exclamation, arrobase, WTF, ben c'est peut-être ça le problème. Mais si ce n'est pas le cas, je vous suggère un petit truc. Là, prenez ça en note, là, google.ca. Là-dessus, vous allez trouver une réponse, sûrement. Sinon, vous écrirez à l'émission LOL pour savoir comment elle a fait. On va passer à la question du jour qui est aujourd'hui. Ben, le Journal de Montréal publiait cette semaine une série d'articles dans la peau d'un policier où les journalistes jouaient à la police. Alors, dans la peau de quoi d'autre les journalistes du Journal de Montréal pourraient se mettre, selon vous? Alors, ça, c'est une bonne question. On en a reçu plein. Hein, oui, tout plein. Donc, Daniel Thibault, hein, qui est un scripteur de talent, hein, qui scripte à l'émission Deux hommes en or, je sais ça comme ça. Et elle était très drôle, hein, sa petite blague. Alors, vous me la lirez peut-être en début. Il y a à peu près 50 personnes qui ont répondu la même chose, d'ailleurs. Ah, ben, qu'est-ce que vous voulez? Il sent c'est quoi le feeling du peuple, lui. Mais avant, justement, vous savez, on va voir la météo dans quelques minutes. Oui. Et Fred raffole de vos météos personnelles. Ah oui, hein. J'en mange. Ah oui, vraiment. Alors, vous avez à peu près, je dirais, 3 minutes pour envoyer des... Je l'ai dit hier. Ici, on prend pas de demandes spéciales musicales. Ici, on prend des demandes spéciales de météo. Exactement. Alors, envoyez vos demandes spéciales météo. Fred vous les fera dans quelques minutes. Mais avant toute chose, on va aller rejoindre notre salle de nouvelles portative. Fred Savard, Dans le dossier de... Donc... Je suis le rien de quelque chose? Oui, d'habitude, je fais une comparaison. Fred Savard, le René Lévesque de sa génération, mais j'ai plus de modèle. Okay. Ça, ça va être vous. OK, alors Fred Savard, dans le dossier... Ça n'a pas été long. Ben ouais, ben, on est au Québec. Hein. Dans le dossier de Pierre-Carl Péladeau, qui continue d'enflammer le Québec, il y a le docteur Gaétan Barrette qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. Oui, on peut même dire dans son cas qu'il n'y va pas avec le dos d'une louche, puisqu'il a comparé Pierre-Carl Péladeau au mania de la presse italienne, Silvio Berlusconi. Franchement, ben oui. Comparaison douteuse. Ben oui, surtout que M. Péladeau ne parle même pas italien. Les gens rient par compassion. Oui. Denis Coderre, sinon, le maire de Montréal, évidemment, veut doter sa ville d'une politique de baseball. Oui, grand amateur de balles, il s'inquiète de la conversion de terrain de baseball en terrain de soccer à Montréal, car selon lui, ça pourrait nuire à un retour d'une équipe professionnelle. Alors, c'est une belle priorité, je pense, dans ce contexte actuel. Il compte lui-même prêcher par l'exemple, puisque dorénavant, il ne va plus manger de la gomme et marcher en même temps, mais plutôt chiquer du tabac et se gratter la poche en même temps. La... Radio d'État. Humour social. Oui, voilà. Il y a sinon le ministre de l'Environnement qui prend des mesures draconiennes pour que la compagnie Trans-Canada respecte le rythme de vie des belugas de Kakuna. Oui, comme on le sait, ils sont très sensibles au niveau sonore. Oui. Alors, David Hurtel a demandé d'une main ferme à la compagnie Trans-Canada de faire moins de bruit quand, quand la compagnie drillera le Saint-Laurent. Et si ce n'est pas possible, on pense fournir à bas prix, faut le noter, des casques protecteurs aux belugas qui seraient libres de les porter ou non. Quelle belle solution. Ah, oui. Sinon, il y a le virus... Vous savez que c'est difficile de faire tenir des écouteurs sur une tête de Beluga. Oui, surtout si c'est glisse, volontaire. Oui, voilà. Y a sinon le virus Ebola qui serait peut-être présent en Abitibi-Témiscamingue. Oui, lu ça, les autorités ne sont pas certaines s'il s'agit bien du terrible virus, mais une chose est sûre, si c'est le cas, c'est extrêmement inquiétant puisque normalement, même les virus n'osent pas se rendre aussi loin qu'en Abitibi. C'est très inquiétant. Oui. Parlant d'inquiétude, il y a le Parti conservateur qui veut changer la loi sur le droit d'auteur. Oui, selon le réseau CTV, le gouvernement Harper veut inclure dans son prochain projet de loi omnibus de nouvelles règles qui permettraient aux partis politiques d'utiliser comme ils le veulent des extraits d'articles, de reportages et d'entrevues sans permission préalable. Ah, un peu comme le fait le Huffington Post, finalement. Ben, les partis d'opposition estiment que le changement à la loi va permettre aux conservateurs de faire gratuitement des publicités négatives sur les autres partis et forcer les diffuseurs à les diffuser. Alors, on serait nous-mêmes obligés de diffuser des publicités? Tout à fait, c'est extrêmement inquiétant et pour les empêcher d'utiliser notre matériel, nous allons immédiatement le brouiller et le trafiquer. Alors, on va brouiller notre information. Totalement. OK, d'accord. Alors, je m'essaie pour la première nouvelle brouillée. C'est un essai. OK. Le virus Ebola serait peut-être présent en Abitibi... Oh. Allez. Le virus Ebola serait peut-être présent en Abitibi-Bizoune. Voilà. Alors, les autorités ne sont pas certaines s'il s'agit bien de la terrible Bizoune, mais une chose est sûre, si c'est le cas, c'est extrêmement inquiétant puisque normalement, même les Bizounes n'osent pas se rendre aussi loin qu'en Abitibi-Bizoune. Je pense que ça devrait nous prémunir d'une utilisation frauduleuse des conservateurs qui n'aiment pas beaucoup les bisounes. C'est encore drôle. Merci, Fred. Oui. La météo. Alors, toutes sortes de choses en météo. Certains endroits, il fait beau. Comme ici à Montréal, on a un 12, on a un 13 également, un 11 à Québec, mais semble-t-il, ça ne peut pas faire plus chaud à Québec qu'à Montréal. Et où, selon vous, où est la ville où il fait le plus chaud présentement au moment où on se parle au Canada? À Kona-Nawai. Au Canada, excusez-moi. Ouais. Mon Dieu, où? C'est assez étonnant, c'est à Regina, 16 degrés. Alors, on salue les gens de Regina et on les félicite. Oui, franchement. D'avoir une belle température comme ça. Et si les gens peuvent nous écrire pour nous donner leur petit truc, pour savoir comment ils peuvent faire 16 degrés comme ça, on peut nous écrire. Et comme vous le disiez tantôt, pour la circulation, de nous écrire également s'il y a des bouchons dans votre coin. Et là, on le dit, ça c'est vrai, même sur la presse, ils viennent d'en parler. Il y a un gros bouchon sur le pont Jacques-Cartier. Il y a des travaux sur l'avenue de Lormier. Alors, c'est pare-choc à pare-choc, au ralenti, vers la rive sud. Et non, je ne comprends pas pourquoi les gens, sincèrement, voudrait se rendre sur la rive sud à cette heure-ci, mais si jamais les gens veulent y aller, c'est très difficile. En fait, je pense que l'explication est plus simple. Je pense que c'est sur la rive nord, en fait. C'est sûr. Ah, ben selon la presse, c'est les voitures circulent au ralenti vers la rive sud. Alors oui, arrangez-vous avec eux. OK. Bon. Parfait. Ben, ils se sont trompés au début de la journée. Je vous dis, est-ce que. Je sais qu'il y a ma tante qui m'a envoyé la météo. Oui. Et ça, c'est très important. Elle est à Vancouver. Là, je vais le dire parce que c'est votre tante. Oui, OK, d'accord. Elle nous a écrit, c'est tante Hélène. Météo à Vancouver, un peu couvert, mais doux, avec deux points d'exclamation. Si c'est pour nous dire si peu, on peut passer son tour. Je sincèrement, sais. Là. Je le sais. Là, je le dis, ben, c'est votre tante, mais la prochaine fois, là, non. Sincèrement, là. De toute façon, un peu couvert à Vancouver, pas besoin de le dire aux gens. Les gens le savent d'office qu'ils sont couverts. Non, non, je sais, mais je suis franchement désolé, Fred. Franchement désolé. Ouais. Messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi on ne s'amuserait pas avec un petit quiz d'actualité? Alors, on fait ça rapide cette semaine. J'ai 3-4 questions pour vous. Okay. Et j'ai besoin de savoir si vous avez lu vos journaux et vos 7 jours. Et je commence avec la première question. Évidemment, c'est le chemin qui compte, c'est pas la réponse, vous le savez. Première question qui... ça va être intéressant. Vous savez, elle a remporté une victoire importante cette semaine. Et elle l'a remportée par un score de 84-22. On parle de quoi, là? Est-ce que c'est un truc sportif? Non, ce n'est pas un truc sportif. Oh, 84 à 24. C'est beaucoup de points, hein? Une motion? Ah, ça pourrait être une motion, ça oui. Ça pourrait être une motion. Ouais. Ça serait quelle motion? Ben franchement, ben, vous suivez pas l'Assemblée nationale? Ah, la motion de PKP. La motion de PKP sera... Pour qu'il le vende ses actions de Québécois s'il veut devenir maître du monde. C'est à peu près ça. Oui. Bravo, Fred. En même temps, je dis bravo, Fred, mais... C'est un travail de groupe avec Olivier. Mais j'avais oublié le score. C'est 84 à 22. On dit qu'il n'y a pas eu d'abstention, mais il y a eu beaucoup de députés absents quand même pour cette motion-là. Ah. Il y a trois partis qui ont voté pour la motion. On peut les deviner. Le Québec solidaire, évidemment, avec ses trois gros députés. Ah, oui. La CAQ et le Parti libéral. Et le Parti québécois a voté d'un seul bloc contre la motion. Même Jean-François Lisée, hein, qui a cru quand même. Et Pécopé n'a pas voté. C'est non, effectivement. Deuxième question. Ah, ça, c'est intéressant. À 87 ans, Thérèse est encore très active. Il faut que je m'implique socialement, dit-elle. Mais qui est cette Thérèse? Non, mais ça, c'est facile. C'est Thérèse Tanguay-Dion. C'est une bonne réponse! Ah, vous connaissez ça? C'est la mère de Céline Dion! Ah! Ah, Maman Dion! Ben oui, Maman Dion! Dion. J'ai toujours, je savais même pas qu'elle avait un prénom, je pensais que c'était Maman! Je vous jure, elle a un prénom, c'est Thérèse. Ah! Je l'ai moi-même découvert dans le 7 jours cette semaine. Ah ouais. Et je me disais, mon Dieu, c'est intéressant ça. Elle doit s'impliquer plus socialement. Elle a 87 ans. Quand même. C'est extraordinaire. Ouais, elle s'occupe en fait des enfants démunis pour la rentrée scolaire. Donc, son association fournit des sacs d'école, des fournitures scolaires, là, des crayons, des rapporteurs d'angle. Est-ce que c'est encore utile, des rapporteurs d'angle? Oui. C'est vrai? Oui, en cinquième année. Vous êtes père, vous, en fait? Oui, mon fils a un rapporteur d'angle. Ah ouais, d'accord. Est-ce que c'est grâce à la... Il rapporte des angles à la maison, souvent, oui. Voilà. Faire attention aux angles droits, ça pique. Merci, Fred. Troisième question. Ah, ça, il paraît qu'on a célébré François de Laval aujourd'hui. Mais pourquoi on a célébré François de Laval? Ah oui, mais c'est un... il a été béatifié. Oui, mon Dieu, mais vous êtes tellement cultivé. C'est François de Laval. Vous savez, mon travail, moi, c'est de lire les journaux pour faire parfois des bons bulletins de nouvelles. Pas aujourd'hui, ouais, mais normalement, j'en fais des bons. Ça compte pas aujourd'hui, mais j'imagine. Tout à fait. Vous savez que c'est le pape, en fait, qui aujourd'hui, pour l'Action de grâce, a célébré François de Laval et Marie de l'Incarnation, qui sont deux saints québécois. Ah. Et il a fait ça aujourd'hui. Je ne pourrais pas croire qu'un François de Laval, un gars de Laval, pourrait être béatifié, mais en fait, il venait pas vraiment de Laval. C'est le premier évêque de Québec. Et le Monseigneur, je sais pas quoi, remercier le pape pour ses deux nouveaux saints. Wallet? Ah! C'est vrai, t'as écrit ça dans le journal. Le silicone fait des ravages, même au Vatican. OK, une dernière question très rapide ici. Ah, puis ça, c'est vraiment une bonne. Et si Jean-Sébastien, je vous crois susceptible de pouvoir y répondre. Cet homme a déclaré récemment, c'est quand je chante du country que j'ai l'impression d'être le plus vrai. Ah oui, ça, je le sais. C'est ben voyons, ça ne fait pas que vous le sachiez. Le petit gros de Star Academy, Maxime Landry. C'est ça? C'est ça. Vous vous arrangerez avec Maxime Landry. En passant, Jean-Sébastien, j'ai la photo en ce moment. Alors, il a perdu du poids. Il a perdu si 30 livres, je pense. Si lui est gros en ce moment... Arrêtez votre phrase tout de suite. Si lui est gros en ce moment... Enfin, je laisse ça comme ça. Mais vous êtes... Je ne supporte pas qu'on insulte Fred Savard. Arrêtez, je parlais de vous quand même. Mais oui, c'est Maxime Landry qui sort son prochain album qui s'appelle Troisième rue Sud. Vous l'écouterez, vous en ferez une critique, Jean-Sébastien. Dans ma besace, c'est prochain. Combien de album? Troisième. Et là, il vient d'allumer comme le country? Ben, je sais pas. Okay. Vous savez, le country, c'est pas une musique qui est très, très accessible. Hein. Ben, en même temps, c'est extrêmement... En tout cas... C'est populaire, mais ben on oui, en parle très populaire. C'est les albums qui se vendent le plus actuellement. Moi, si j'avais un album à faire, ça serait un album de country. Ça serait un album de country. Mais est-ce que vous aimez le country, Fred? Ben oui. C'est vrai? Ben oui, moi j'ai été bercé avec Kenny Rogers le samedi. Ah ben, il est peut-être là, votre problème. Oui. Eh ben... Franchement. je pense pas me rendre jusqu'à Noël. Je le dis à chaque semaine. Bon, on essaie fort que vous ne rendiez même pas jusqu'à l'Action de grâce. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Bon, on se donne jusqu'à Noël comme prochaine limite. Et vous savez, on c'est le retour d'un nouveau segment. En fait, d'un vieux nouveau segment cette semaine. Et vous l'avez tous demandé. C'est le retour du débat. Eh, Bobo, on ne rira pas avec les musiques de même. Ça, c'est une musique de tragédie, ça, Fred. Ouais. C'est un petit hommage qu'on veut rendre cette semaine à celui qui a inventé les débats. On revient, en fait, à la source même des débats. Ben, c'est qu'on les avait essayés. Exactement. On a essayé en début d'année. C'était un peu long. On se préparait. On savait pas vrai. Oh, c'est ça, on se préparait. C'est-tu nono, ça? On se préparait pour un débat toute la semaine. Avec des arguments. Ben, ouais. Alors, c'est une nouvelle formule. Je vous la présente. Et c'est une formule aléatoire. Je vais choisir au hasard des débatteurs. Je vais choisir au hasard leur position. Et je vais choisir au hasard... le sujet du débat. Et je vous jure, ils ne savent pas aucun sujet du débat. Ils ne sont pas préparés. Alors, je pige aujourd'hui pour un petit débat tout court. Hein. Vous avez une minute chacun pour faire valoir votre argument sur le débat et le sujet dont je vais vous donner la teneur dans quelques instants. Vous allez voter, évidemment, cher public, à savoir qui, vous pensez, a mieux défendu son point en étant non préparé. Et je vous jure, c'est ça me semble être un vent de fraîcheur pour le débat. Je vous jure que c'est pas préparé et ça va être assez évident à l'écoute. Alors, ceux qui vont débattre aujourd'hui, là, je niaise pas, c'est Jean-Sébastien Girard et Fred Savard. Vous êtes mes... Je voulais regarder mes résultats de football. On était obligé de débattre. J'avais plein de bons arguments. Ah ouais. Mais vous savez que pour la première fois, vous n'aviez pas mis le nom d'Olivier dans le bol. Non, regardez, il est là, Olivier Niquette. Ah, ben oui. Mais si vous êtes vraiment mauvais, ce sera Olivier. Hein, qui va prendre votre place pendant le débat. Alors, Fred Savard sera pour et Jean-Sébastien sera contre. Et le sujet cette semaine, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Alors... C'était une nouvelle de l'actualité ce matin. Vous savez, c'est sur les dons de sang. Et il y a les homosexuels qui devront attendre encore 5 ans pour donner du sang. Alors, on se pose la question, pour ou contre le don de sang par les homosexuels? Hey, et là, moi, je suis pour ça. Vous êtes pour ça? Moi, je suis contre. Et Fred, Jean-Sébastien, vous êtes contre. Alors, Fred Savard, vous commencez. Vous avez une minute. Ben écoutez, j'ai la chance... Là, je ne le nommerai pas, mais j'ai la chance de travailler avec une personne là, qui... comme dans votre question, là. Ouais. Et... Tu veux donner du sang? Qui ne pourra pas en donner. Okay, okay. Et je peux comprendre parce que elle a un rythme de vie qui bon, faut pas juger hein, du rythme de vie de certaines personnes. Ça va être une minute extrêmement longue. Mais c'est, de toute façon, c'est pas tant ça le problème, c'est que cette personne-là est extrêmement amère, notamment envers l'amitié, envers les femmes. Et je me dis que c'est peut-être quelque chose qui se transmet par le sang. Mais oui, elle l'a dit tantôt. Et c'est peut-être quelque chose qui se transmet par le sang. Et je voudrais pas que l'amertume envers l'amitié homme-femme se répande comme ça malgré avec les gens malades. Alors, je vais choisir un autre sujet de débat. Je trouve ça un peu ingrat comme principe. Je trouve ça le fun en réunion. Je l'ai même amené moi-même. Alors, j'ai choisi un autre sujet de débat. Je vous le dis. Et Fred, vous êtes... Non, je vous ai disqualifié. Bon. Alors, un autre sujet de débat, et c'est Olivier Niquette qui va être pour la création d'une panique dans le dossier de l'Ebola. Alors, vous avez à débattre maintenant. Création d'une panique? Oui. Y a-t-il quelqu'un de contre? Ben, c'est Jean-Sébastien. Ah. Alors, vous êtes pour, Olivier, pour la création d'une panique dans le domaine de l'Ebola. Ben de l'Ebola. Oui, est-ce qu'on devrait sacrer le camp? Ben oui, moi-même, je panique avec ça, là, puis avec un peu le débat en ce moment. Mais, non, mais c'est vrai... Ça va vraiment mal en Afrique, mais ça peut s'en venir ici. Là, on l'a vu aux États-Unis déjà. Dans la deux. Aux États-Unis. En Abitibi, je pense que c'est réglé. C'était pas du tout un cas de. Moi, j'ai pas pareil. Mais non, mais aux États-Unis, c'est inquiétant. Là, puis il y a beaucoup de monde qui arrive d'Afrique qui vont aux États-Unis. Ça peut se rendre là. Puis on n'est pas loin des États-Unis ici, hein. Ah, ça, c'est vrai. Alors, je vais vous noter. Ah, vous avez un bon point, là, Olivier, franchement. Ça, c'est intéressant. On va dire que votre minute est complète. Jean-Sébastien, j'espère que pendant tout ce temps-là, vous avez pu faire votre argumentation contre l'Ebola. Faut pas paniquer pour l'Ebola. Pourquoi? Ben moi, je pense même pas que l'Ebola, c'est vrai. Je pense pour vrai. Moi, je pense que c'est des dossiers comme l'actualité qui veulent tout le temps nous faire peur avec des choses qui n'existent pas. Pour moi, l'Ebola, c'est un peu comme le premier pas de l'homme sur la Lune. Ma mère me dit souvent ça, c'est pas vrai, c'est fait dans des studios de télévision, etc., etc., ouais. Pour faire vendre la copie. Moi, c'est comme la H1N1, ils en ont parlé. Est-ce que vous avez connu quelqu'un qui a déjà eu la H1N1? Ben, personnellement, moi, pas. Moi, pas. Non. C'est comme le sida, on en parle. Est-ce que vous avez déjà connu quelqu'un qui a eu le sida? Je n'ai jamais entendu parler de ça dans la réalité. Donc, je pense qu'on veut créer des alarmante. Et puis, de toute façon, moi, je pense que même si on devait, de toute façon, tous mourir de l'Ebola, moi, j'ai pas de problème avec ce concept-là. Je pense que la vie humaine dans la société est beaucoup surévaluée. Hein? Pour vrai, je veux dire, si on meurt, on mourra. On fera comme les dinosaures, il y aura une autre race qui reviendra après, puis l'être humain mourra. Je veux dire, ça sera pas plus grave. Mon Dieu, vous êtes bon. Aujourd'hui de Tyrannosaurus Rex. Ben, c'est ça. Ils n'ont aucune importance. On mourra, on partira. Je trouve qu'on est extrêmement prétentieux de penser qu'on doit survivre, qu'on doit continuer. Ah, mon Dieu! Ça, c'est quoi tu es, nous, c'est beau, là. Vous étiez vraiment pas préparé, là. Pas du tout. Ah, mon Dieu, vous êtes bon. Ben, mon Dieu, j'ai donné 30 secondes de contre-argument à Olivier, mais ça va être. Et si l'Ebola. Et si d'attraper l'Ebola peut me permettre de plus jamais participer à ces débats-là, ben, je demande à l'Ebola de venir me tuer cette nuit. Puis-je ne jamais me réveiller demain? Mon Dieu, c'est bien plus fun pas préparé cette histoire-là. Êtes-vous capable de contre-argumenter là-dessus, non, Olivier? Pas du tout. C'est ça que je me disais. Alors, je pense qu'on a gagné, c'est Jean-Sébastien Girard. Bravo, Jean-Sébastien Girard. Merci, merci. Est-ce que vous alliez utiliser les mêmes arguments pour l'autre sujet? Bah oui. Fred, on accueille notre premier invité. Pianiste de renom est aussi flamboyant sur scène dans la vie que derrière un micro, accueillons le toujours truculent Alain Lefebvre. Alain Lefebvre, bienvenue à l'émission. Hey boy! Ça part fort, hein? Mais c'est bon. C'est le fun. C'est le fun. T'es sûr de ça? Oui, parce que je pense. Non, je disais l'autre jour que maintenant nos politiciens qui sont élus ne sont pas les meilleurs, c'est ceux qui sont le plus ternes, le plus gris, qui n'ont plus aucune idée, qui disent presque plus rien. Alors d'avoir une émission de radio où on dit des choses, vous devriez être tous dans la politique. C'est, ben on se part un parti bientôt, hein. Vous savez qu'on est non, très pas. Non, ah non, ok, parfait. Je suis désolé. Vous savez, je vous écoutais ce matin. Je vous écoutais dans votre émission, donc à Ici Musique, dans vos carnets, et je trouvais ça intéressant que vous parliez, et là vous allez m'éclairer, là, d'un certain Zygmunt Stoïevski ce matin. Oui, oui. OK. Alors, vous avez demandé à vos auditeurs de vous écrire, en fait, si les gens connaissaient Zygmunt Stoïevski, et je suis très curieux, avez-vous reçu des lettres? Zéro. C'est ce que je me disais. Non, mais c'est ce que je me disais parce que j'ai moi-même fait une recherche sur l'Internet. Oui. Et même l'Internet n'avait pas l'air de savoir c'était qui le monsieur. C'est assez incroyable, mais ça m'arrive. Ça. Certains dimanches, j'ai un peu comme vous, j'ai des élans bulles. Comme ça. Oui, des bulles. Mais c'était intéressant comme musique. Oh, tout à fait. Il faut quand même. Non, Stoïevski était un peu en polonais, aux États-Unis, ce que André Mathieu était en québécois. Encore André Mathieu? Ça a l'air de vous énerver un petit peu, ça. Mais est-ce que c'est une obsession, André Mathieu? Soyez honnête, là. Soyez honnête, très honnête. Vous faites une introspection, regardez-vous un peu. Est-ce que c'est devenu une obsession malsaine? Je vais aller jusque-là. Oui, c'est une obsession. C'est ça, hein? C'est une obsession. Ça ne se guérit pas. J'essaye de me guérir, mais j'y arrive pas. Il y a même pas mal de critiques qui voudraient que je me guérisse plus rapidement, qui voudraient aussi que peut-être que je souffre de l'Ebola. Ah, franchement! Mais j'arrive pas à l'attraper. Monsieur Gingras n'est pas aussi méchant que ça. Je n'ai jamais pensé à lui. D'ailleurs, vous me connaissez. Je sais, vous avez un grand cœur. Vous venez nous présenter votre plus récente œuvre, Chopin 24 préludes sur Analecta, et je lisais les critiques. Ah, vous avez lu ça? Vous. Ah oui, j'ai lu les critiques. Et c'était une émission intéressante. Qui m'a invité à cette émission? Est-ce que je veux savoir? C'est moi. Ah, c'est vous? C'est oh moi. Boy. Et c'est ma sœur aussi hein, qui était recherchée cette émission. Mais il y a eu beaucoup d'objections. Fred ne voulait pas vous recevoir. Pas vrai. Je me suis débattu, je dis Frédéric, c'est... on peut juste recevoir des gens de l'UDA, là, franchement. C'est pas vrai, monsieur Lefebvre, écoutez-le pas. Faites comme moi, écoutez-le plus. Et je lisais la critique, donc, de Claude Gingras, qui disait ceci, on aime ou on n'aime pas Alain Lefebvre, et ça me surprend, en fait. Il commence la critique en disant, les fans d'Alain Lefebvre vont adorer, les autres vont détester. C'est surprenant, ça, parce que quand on écoute un disque comme ça, et je l'ai écouté en préparant l'entrevue, je me dis, comment on peut détester une musique aussi jolie que les préludes de Chopin? Mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Écoutez, il faut quand même que je vous dise que j'ai une historique intéressante, et je la partage avec vous. J'ai fait un jour un concert... Quand le centre, la salle de concert Pierre Mercure, qui était la salle Pierre Péladeau, ouverte. Et après le concert, le titre de la critique, c'était un récital d'Alain Lefebvre par le même journaliste. C'est une partie de blé d'Inde. Oh. J'ai fait aussi un concert avec l'Orchestre Métropolitain. Et à l'époque, M. Péladeau disait, parce que M. Péladeau s'occupait de l'Orchestre Métropolitain, disait, le Métropolitain est l'orchestre du vrai monde. Et ce même critique, dont j'oublie le nom, disait... Claude Gingras. Si... Non, mais je ne vais pas le nommer. Je ne m'en rappelais plus. Non, c'est non. Que j'ai la mémoire. C'est l'Ebola qui commence. Et il disait, si le Métropolitain est l'orchestre du vrai monde, Alain Lefebvre est le Louis Lortie des pauvres. Donc, j'ai une historique de beaux papiers. Et en réalité, ça ne me dérange pas beaucoup. Parce que je pense que quand on fait le métier qu'on fait, on a des gens qui nous aiment, d'autres qui ne nous aiment pas. Et j'ai toujours dit aux jeunes qui font ce métier-là, si tu n'es pas prêt à vivre avec la critique, quelle qu'elle soit, tu changes de métier. Et là, je ne veux pas être sérieux parce que je trouve ça tellement le fun de l'émission qu'on est du fun. Non, on peut être sérieux pour vrai. Mais je pense que ça n'a aucun intérêt. Moi, je sais qu'il y a des jeunes qui m'ont un jour dit, je ne sais pas comment faire pour vivre avec la critique, ça me détruit. Je dis, non, mec, sacrifie, change de métier. Ben, si tu n'es pas capable, fais autre chose. Je vous dirais franchement que des fois, c'est sûr qu'il y a un côté déplaisant. Mais en même temps, c'est le droit démocratique d'un journaliste de dire qu'il n'aime pas ou qu'il y a des gens qui me détestent. Ouais, mais c'est parce que tous les artistes peuvent répondre ça. Effectivement, dans le cas de tout le monde, hein, y a des gens bon, qui vous aiment et qui vous aiment pas. Mais dans votre cas, à vous, on dirait que vous polarisez particulièrement. Pourquoi vous polarisez comme ça? Pourquoi il y a des gens qui trippent sur vous et d'autres de façon un peu épidermique qui font comme, ah non, pas vraiment lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Est-ce que ce sont vos lunettes de soleil? Non. Ça, c'est parce que j'ai tellement fait de piano avec une lampe sur la partition qui est blanche que j'ai à 9 heures par jour depuis... Comme les Inuits. Comme les Inuits, voilà. Comme les Belugas qui ont des problèmes avec Louis, j'ai un peu abîmé mes yeux. Donc, c'est pour ça qu'il y a une couleur. Ah, d'accord. Non, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si je polarise ça, parce que pour vous dire, j'ai joué ce même programme-là dans de nombreux festivals, dont un des plus grands à Chicago. Et bizarrement, les commentaires ne sont pas les mêmes. Quand on arrive au Québec, ça, c'est une habitude. Nous avons ici, un petit peu comme André Mathieu a eu, une espèce de syndrome. Il y a des gens qui aiment bien détruire. C'est-à-dire c'est très difficile au Québec d'accepter qu'on puisse avoir un côté qui fonctionne. On a toujours cette espèce d'idée de dire, bon, si on dit du mal des autres, ça ira mieux. Moi, ce n'est pas ma nature et je ne pourrais pas plus répondre à la question. Est-ce qu'on aime la musique classique au Québec? Je me suis posé la question parce qu'on n'en voit pas tant que ça. Évidemment, quand on lit les critiques de disques, la musique classique, ça fait peut-être un sixième. Et quand il y en a des critiques de nouvelles sorties de disques classiques, et on se pose la question, est-ce que le Québec aime la musique classique? Ben, je pense que... toute l'amitié et le respect que je vous dois, je pense que c'est une mauvaise question parce que le Québec... Le Québec ne peut pas aimer ou pas aimer la musique classique puisque nos gouvernements de clowns, parce que nous sommes gouvernés par des clowns, parce que nos gouvernements de clowns s'intéressent autant à la culture qu'on peut s'intéresser, nous, à l'art des préhistoriques, des tyrannosaures. Alors, c'est sûr et certain qu'il y a eu une époque au Québec où les gens, les ministres, avaient énormément d'attention dans les écoles pour que les enfants aient accès à la culture. Oui. Aujourd'hui, ces mêmes clowns donnent l'impression que le plus important, c'est d'apprendre l'anglais, l'économie et aussi d'avoir un ordinateur. Oh. Alors, je pense que si nous avons une société qui aime moins la musique classique, il y a des responsables et ce sont les clowns ici et à Ottawa. Mais c'est une bonne question, ça. C'est une bonne réponse, je sais pas. Oui, c'est une bonne réponse parce que ça soulève une autre question, en fait. Oui, tout à fait. Les gens sont d'accord. Parce que ça soulève l'autre question, à savoir, c'est à qui la responsabilité d'élever la connaissance culturelle d'un peuple comme ça? Est-ce que c'est la responsabilité des artistes? Est-ce que le gouvernement a une plus grande responsabilité là-dedans? Je pense que c'est aussi difficile de voir des artistes qui sont toujours en train de prendre position pour mille et une choses. Je pense que quand les gouvernements sont élus par des citoyens, le gouvernement, quel qu'il soit, et les ministres, quels qu'ils soient, devraient avoir un intérêt commun de faire... Vous me disiez un peu plus tôt, mon obsession pour André Mathieu. Ouais. Mon obsession n'est pas pour André Mathieu. Mon obsession est pour que le Québec devienne un endroit fort, qui puisse, un peu comme les Allemands, comme les Polonais, comme les Russes, comme les Français, avoir la fierté d'avoir de grands compositeurs classiques. Et ce que j'ai voulu faire en 30 ans, en jouant Mathieu dans 40 pays, en vendant des centaines de milliers de disques, c'était pas pour moi, puisque je n'ai qu'investi dans ce projet-là, c'est de donner une fierté aux jeunes Québécois qui peuvent se dire, nous aussi, on a nos Tchaïkovski russes, on a André Mathieu. C'est ce que j'ai fait. Alors, c'est pas une obsession, c'est du patriotisme, parce que je suis d'origine française, le Québec m'a tout donné, et je serai toujours un patriote qui va me battre contre cette espèce d'imbécilité qui veut faire en sorte qu'au Québec, on ne favorise que la culture du plus niaiseux au lieu que du plus intelligent. Vous vous faites ramasser, hein? Non. Est-ce que vous écoutiez l'entrevue, Jean-Sébastien? Mais nous avons fait une émission historique. Tout à fait. J'ai adoré ça. Mais je pense que j'avais pété un plomb. C'était formidable. Vous avez participé à l'émission de Jean-Sébastien. J'ai adoré. L'émission estivale. Radio-Canada, t'es dans un creux. C'est un peu gênant, par exemple. Et Jean-Sébastien avait une émission estivale qui s'appelait Les Bronzés font de la radio. Je vous ai écouté aujourd'hui. Je vous ai réécouté parce que c'est une émission que j'avais déjà écoutée, que j'adore, Jean-Sébastien Girard. Oui, vous êtes laissé aller là-dedans. Mais j'adore me laisser aller. C'est pour ça que je trouve ça le fun, cette émission. Parce que vous voyez, quand je parlais, et je m'excuse, je vous interromps brutalement. Mais allez-y. Mais quand je parle de culture, regardez ce qu'on fait à notre... au flambeau, qu'est-ce qui attache le Canada? En grande partie, c'est Radio-Canada. Radio-Canada est un flambeau culturel pour lequel il faut se battre. Regardez ce que nos bons amis, à droite et à gauche, essayent de faire contre nous. Moi, quand j'entends l'émission que vous faites, et je le dis, j'ai rien à perdre, sinon je m'en fous quelque part. À un moment donné, il y a un certain âge où tu veux dire les vraies choses. Je pense que c'est fantastique qu'il y ait des émissions comme ça. c'est fantastique qu'il y ait des émissions comme ça. Et j'espère qu'il y en aura longtemps. Et j'espère que Radio-Canada, il y aura des gens qui, à un moment donné, vont allumer leur fuse et qui vont dire « Nous allons défendre cette maison ». Parce que c'est bien beau de couper, mais où est-ce qu'on va couper prochainement? Où est-ce qu'ils vont couper, là? Ouais, mais je pense que c'est une des premières fois qu'on a trois applaudissements comme ça dans la foule avec un invité. C'est très rare, ça, Alain Lefebvre, franchement, je vous le dis. Là. Mais là, je suis en train de me mettre full dans la marde. Non, c'est pas grave, je m'en fous un peu. Non. Il y a énormément de gens qui écoutent ces émissions-là, mais je ne sais pas si les patrons écoutent. Là, fait qu'il y a pas c'est de pas grave. Non. Parce que moi, j'ai deux chapeaux. Hein. Je suis pianiste et je travaille à Radio-Canada. Oui, je sais. Alors, ça a des conséquences. Ben oui, ça a des conséquences. Mais c'est pas grave. Pas grave. La vie est courte. Je le disais tout à l'heure, vous animez les carnets d'Alain Lefebvre les dimanches de 10h à midi. Oui. Et est-ce que c'est en direct cette émission-là? Est-ce que vous enregistrez ça? Ben non, je suis rarement à Montréal. Je pars pour un mois, je reviens deux jours, je repars pour un autre mois. Je fais ça quand je suis à Montréal. J'enregistre souvent la soirée et je fais ça quand je suis à Montréal. Donc, j'enregistre coup sur coup, oui. Et avec ce dernier disque-là, donc, des préludes, encore une fois, j'ai lu la critique au complet de Claude Gingras. J'essaie de comprendre. Non, mais c'est parce que... Moi, j'essaie de comprendre depuis longtemps aussi. Ben oui, mais c'est parce que c'est très complexe. Parce que, oui, c'est complexe, oui. Il parle de différents numéros. Donc là, il nous dit, bon, la 2 et la 3, il est très nerveux, il est peut-être trop dur sur la 16, tatati. Et là, je l'ai écouté, mais j'ai pas la qualité pour être capable de comprendre ça. Est-ce que vous avez la qualité pour comprendre une analyse aussi fine que ça? Oui, je pense que la 16 est Girard. Effectivement trop nerveuse. Mais vous savez que vous êtes un bullshiteux, Jean-Sébastien Girard. Parce que vous m'avez dit complètement le contraire, mais juste avant l'émission. Le deuxième opus, on sent là, qu'une légèreté qui s'installe. OK, vous êtes dégueulasse. Et c'est à ce moment-là que je me suis senti interpellé par l'œuvre de Chopin. Mais au début, évidemment, bon... Vous aviez vos réserves. Oui, j'avais beaucoup de réserves. Au début. Mais je n'ai pas boudé mon plaisir. C'est un album que je recommande vraiment. Vous l'avez pas écouté, avouez? Pas encore. Mais c'est pas une raison pour que j'en parle pas sur les ondes de Radio-Canada, Jean-Philippe. Vous seriez un bon critique, vous savez. c'est, je pense, sa plus grande qualité d'être capable de bullshitter comme ça. Toujours est-il que, bon, moi, j'ai pas les qualités. J'imagine que le grand public a pas les qualités pour être capable de discerner vraiment qu'est-ce qu'un enregistrement différent des 24 préludes de Chopin. Mais je me demande, est-ce que ce disque-là est facilement accessible pour tous les gens qui veulent écouter de la musique classique? Et je pense que c'est beaucoup des critiques que vous recevez, ça, des fois, que vous êtes un homme qui est capable d'aller rejoindre le public avec la musique classique. Ben, c'est-à-dire que ce qui se passe, et boy, je vais dire encore quelque chose qui n'a pas d'allure, vous pouvez me censurer. Ah oui, il n'y a pas de problème. Censurez, moi, on est micro. Oh, oui, de toute façon, au montage, on va se faire un dessin. Non, ce qui se passe, c'est que souvent en musique classique, nous sommes dans un milieu où certains spécialistes pratiquent ce qu'on appellerait couramment en français l'onanisme. Pour pouvoir être un minimum, avoir du plaisir, il faut absolument convaincre que le reste du public, lui, est un peu bête. Moi, je viens de Villemar. Ouais. J'ai fait ma petite école à Villemar. Après ça, je suis allé à Saint-Luc, qui, dans les années 70, c'était une école qui était sûrement pas très chic. Ouais. Et je suis issu d'une famille très modeste, et j'en suis très fier. Et moi, la musique classique, elle est pour le grand public. Elle n'est pas pour un groupe de gens qui veulent, eux, être ensemble et bien comprendre ce qui se passe, et surtout dire aux autres, quotidiennement, que ce sont des tartes. Moi, je dis à mon public classique, écoutez, c'est extraordinaire, la musique classique. Si vous aimez, même si vous ne connaissez pas, c'est pas important, parce que quand on va manger du chinois, est-ce qu'on a besoin de connaître réellement l'histoire de la Chine pour apprécier le poulet du général Tao? Quand je mange des nouilles chinoises, j'essaie de lire un peu sur l'histoire de la Chine. Alors c'est sûr et certain que, essayant finalement de donner le pouvoir aux gens, j'attire le courroux. J'ai une belle langue quand même. Hein? Ah, vraiment? J'ai une belle langue. J'attire le courroux. Je suis charmé, moi. De ceux qui ne veulent pas. Moi, je trouve ça extraordinaire que les gens aient le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir de décider j'aime ou j'aime pas. Merci beaucoup. Et ne pas nécessairement avoir des complexes de quelque sorte. Non, merci de ne pas. Merci de ne pas en avoir. Allez, vous restez avec nous pour le reste de l'émission, j'espère. Mais si vous voulez, je peux partir aussi. Ah non, restez avec nous. Vous restez avec nous, Jean-Sébastien. Encore de belles choses à vous dire sur toute votre carrière qu'il n'y a pas écouté encore. Alors, on a très hâte d'entendre ça. Mais franchement, Jean-Sébastien, faire une critique d'un disque que vous n'avez pas écouté. Ah, écoutez. Vous restez avec nous, évidemment. Et en attendant, on écoute un peu de Radio X Jazz. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio qui swing, toujours du même bord. Vous êtes toujours à l'émission Désert d'Arien, Kevin Gosselin au microphone. Vous avez été nombreux à répondre à notre question du jour. Y a-t-il pas assez de milliards investis dans la guerre contre l'État islamique supportée par la gauche québécoise pro-palestinienne? 100% des auditeurs ont répondu oui. Je vous remercie. J'ai pu d'ailleurs tous vous répondre personnellement pendant la pause publicitaire. Ça me fait toujours plaisir de le faire quand j'ai le temps. Ça prend quand même 3 minutes, répondre à 5 personnes. D'ailleurs, j'aimerais m'excuser auprès de Dave. J'ai tenté de lui répondre, mais j'ai reçu le message que ça ne fonctionnait pas. Un certain Mailer Damon. Je ne sais pas si c'est dans la famille de Matt Damon, un acteur que j'ai adoré dans The Bourne Supremacy. Et parlant de Supremacy, il y a mon beau-frère Serge qui me demande de vous inviter au party d'Halloween de son groupe de suprémacistes blancs, les Souches Viriles. Ça se déroulera le vendredi 31 octobre à la salle paroissiale de Saint-Armand-de-Beauce. Il y aura des prix pour les costumes les plus originaux, c'est-à-dire ceux qui ne seront pas déguisés en Ku Klux Klan, en Hitler ou encore en Éric Zemmour. C'est donc un rendez-vous. Nous mettrons les coordonnées de la salle sur notre page Google+. On poursuit en musique avec la pièce « It Never Entered My Mind » du trompettiste Miles Davis. D'ailleurs, un auditeur la semaine dernière me faisait remarquer que si les Américains s'étaient convertis au système métrique, on parlerait plutôt de kilomètres Davis sur les ondes du Radio X Jazz de 91,1 blanc. Oh! Regardez ce que dans ma besace! Jean-Sébastien Girard, vous avez apporté une besace bien pleine aujourd'hui. Je n'ai jamais eu la besace aussi pleine qu'aujourd'hui. J'espère que je vais avoir suffisamment de temps, Jean-Philippe. Alors tout d'abord, avant de vous présenter mon premier objet culturel, je vais vous faire entendre un extrait de quelque chose que vous allez sûrement reconnaître. Okay, évidemment, vous allez entendre la description d'un film, mais je vous invite surtout à écouter l'univers musical qu'il y a derrière. Au cours d'une expédition en Afrique, une jeune femme rencontre le seigneur de la jungle. Voici Bo Derek et Richard Harris dans le film d'aventure Tarzan, l'homme singe. Avertissement, ce film renferme des scènes de nudité. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Jean-Philippe? De torride soirée. Oui. Vous, Fred? Vaguement, oui. Et vous, Alain? Pas du tout, j'avais pas c'est télé vrai? À la maison. Non, non. Ah, dommage. Alors, c'est la musique du mythique programme Bleu Nuit, qui était diffusé sur Télévision 4 saisons. Bleu Nuit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous connaissez ça, Alain? Non, la télé, pour nous, mes parents étaient un petit peu sévères. Ah ouais? La télé, c'était le diable. Ah, ouais. Alors, Bleu Nuit, c'est le diable fois deux. Oui, voilà. Alors, pour toutes... C'est le diable tout nu. C'est le diable tout nu. Pour toute la génération autour de la table, ça correspond à nos premières exaltations sexuelles. Je pense qu'on peut le dire comme ça, Jean-Philippe. Ben, parlez c'était... c'était chez, donc... chez nous, c'était le catalogue Sears. Ah ben oui! Oui, mais c'est ça qui est formidable, c'est que Bleu Nuit est arrivé tout de suite après le catalogue Sears, parce que Bleu Nuit, en fait, c'était une série de films de série B, on peut le dire, donc des films un peu osés, qui étaient diffusés le samedi soir à TQS, maintenant V, de 1986 à 2007. On pensait que ça s'était terminé quand même plus rapidement que ça. 2007, donc. Oui, ça, oui, effectivement. Et je vous en parle maintenant parce qu'il y a un ouvrage qui est sorti qui documente l'histoire de Bleu Nuit et qui s'appelle Bleu Nuit, histoire d'une cinéphilie nocturne. Et évidemment, la question qu'on s'est posée quand on a reçu l'ouvrage, on s'est dit, bon, vraiment des films un peu cheapettes, de fesses. Ça valait vraiment un livre. Est-ce que ça valait vraiment un livre? Et la réponse, en fait, c'est oui. Parce qu'on se rend compte, en lisant cet ouvrage-là, que, ben oui, je vous le passe, Jean-Philippe. On se rend compte, à partir de plusieurs essais, des chroniques, des entrevues qu'on trouve là-dedans, que ça a été effectivement une série marquante pour toute une génération et qu'il y a quelque chose d'un peu folklorique maintenant dans la façon d'avoir un premier rapport à l'érotisme, parce qu'aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus rien de ça qui ressemble à la réalité des jeunes d'aujourd'hui. Vous parliez du catalogue Sears. On se souvient peut-être, Fred, vous vous souvenez peut-être de Super Écran. On avait aussi Super Écran à la maison, mais qui n'était pas débrouillé. Non. Donc, des fois, la nuit... Donc, des fois, à 2h du matin... Mes parents étaient très sévères. Hein, c'est voilà. Ça. On avait la télé, mais elle débrouillait pas Super Écran. C'était pas débrouillé, donc on entendait, donc parce que c'est un film 3X. C'est là, il y avait tout le temps l'image 3X, qui était, un tout petit X, je pense. J'aurais même un V. Et là, le film était toujours en mouvement. Et là, une fois de temps en temps, hop, l'image en venait droite, ça dure une seconde, on essayait peut-être de voir quelque chose. Donc, évidemment, l'arrivée de Bleu Nuit a signifié quelque chose, évidemment, parce que là, on avait accès à... Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, j'aimerais juste souligner quelque chose, parce que les gens vont se garrocher pour aller acheter le livre. Là. Ouais. Juste, il n'y a pas d'image. Non, mais ben, j'ai été très déçu, moi. Mais justement, Jean-Philippe, on n'a plus besoin de livres en 2014 pour avoir des images et des illustrations, mais si vous voulez avoir accès à d'autres types de matériel, ça, c'est comment, plus facile. Vous allez dans Google. Ah, okay, mais ce qui est drôle avec Bleu Nuit, c'est que pendant longtemps, les codes d'écoute étaient calculés avec des cahiers qu'on envoyait aux... Ouais. Et les gens, évidemment, n'écrivaient pas. Mais j'imagine. Bleu Nuit parce que c'était familial. Et quand les appareils électroniques pour calculer les codes d'écoute sont arrivés, on s'est rendu compte que Bleu Nuit était de loin l'émission la plus regardée à TQS. C'est vrai? De loin, ben oui. Parce que les gens, faut plus mentir, l'appareil était sur la télé, alors que les messieurs n'osaient pas dire « Oh, ouais, écoutez Bleu Nuit, la semaine. » Calme-moi pas. Il y avait quelque chose de l'ordre du rituel où tout le monde ensemble, sans le dire évidemment, ben quand on avait 15, 16, 17 ans, on s'enfermait le soir dans nos chambres, on jouait après les oreilles de la paix de notre petite télévision noir et blanc dans la chambre et puis on vivait quelque chose collectivement. Il y a Samuel Archibald qui a participé à cet ouvrage-là, qui disait cette semaine à Midsommar Large, une réflexion super intéressante, il disait « Ces films-là nous rendaient complètement fous. Déjà, il y avait un registre d'attente qui est complètement disparu aujourd'hui. Évidemment, on n'attend plus un moment où on va voir peut-être un peu petit bout de jambe ou un petit bout d'épaule, parce que c'était quand même assez soft, on s'entend. Il dit, il y avait dans le récit des mises en scène de l'initiation, de l'échange, qui pour moi sont complètement disparues aujourd'hui. Et qu'on le veuille ou non, l'érotisme impliquait un discours aussi qui est complètement disparu. Donc ça change complètement la donne par rapport à l'initiation à l'érotisme. Vous avez l'air... C'est une Fred belle Savard. Façon de voir ça. Mais moi, je me rappelle des films, je veux dire, l'attente et l'érotisme et tout. C'était quand même souvent... Mais ça participe quand même. Ouais, c'était quand même des films très bas de gamme. Mais c'était cheapette avec des valeurs ordinaires. Alors aujourd'hui, on écoute la grande pornographie. Non, non, non. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est que je pense pas que parce qu'on a connu Bleu Nuit que ça fait de nous des gens à l'érotisme si raffinés, contrairement aux plus jeunes aujourd'hui. C'est juste ça que je veux dire. Ouais. Ça fait du sens. C'est des observations d'écrivains. C'est toujours bien le fun à lire, mais ça... Voilà. Et très rapidement, je termine avec un autre ouvrage tout aussi affriolant. Un autre livre à lire sous la couverture. Sous la couverture. Sous la couverture, un autre livre que certaines dames pourraient lire d'une seule main. Et c'est la biographie dont vous parliez tantôt, la biographie de M. Alain Lefebvre. Ah! Qui est écrite... Par George Nicholson. Qui l'a écrite lui-même à une seule main, j'ai l'impression, pour l'avoir feuilleté à quelques reprises. Mais voyons, Jean-Philippe, on n'est plus le vendredi, là. Mon Dieu, je suis pas bien. Moi, j'ai envie de m'en aller. Depuis le débat, j'ai envie de m'en aller. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu l'année dernière pour justement préparer l'entrevue avec M. Lefebvre. Vous allez peut-être trouver ça saugrenu, mais moi, je me prépare avant de faire une entrevue avec des invités. Je trouvais ça intéressant de lire cet ouvrage-là. C'est publié chez Druid. Parce que je suis moins cute que vous, Jean-Philippe. On exige de moi du contenu. Alors, C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Mais pour vrai, c'est un ouvrage écrit avec beaucoup de tendresse, beaucoup de subtilité, sans misérabilisme, où on voit que vous êtes une espèce de résilient. Là, j'ai l'air de faire une vidéo de production. Non, mais... Pour vrai, il y a quelque chose de très touchant dans le parcours. Je le recommande à tout le monde, sérieusement. Et c'est aussi bien écrit que la biographie de Sonia Benezra par Lise Ravary. C'est dans du même acabit au niveau de l'écriture. Je dis bravo. Oui, franchement. Non, mais enfin. Merci beaucoup. Est-ce que c'est tout, Jean-Sébastien? Oh mon Dieu, je pourrais comme ça continuer, là, mais je pense que je vais arrêter. Mais vous avez une culture, évidemment. C'est votre manque de beauté qui vous fait ça, hein? C'est ça qui se passe. Merci beaucoup pour votre besace, Jean-Sébastien. C'est très gentil. Écoutez, la soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, l'émission qui a vraiment hâte de parler aux nouvelles glissades d'eau du quartier d'Estrange. La démocratie. Je vais prendre un petit 30 secondes. Les glissades d'eau du 10-30. Oui, ben la moitié du 10-30 a été vendue cette semaine. Et là, ils vont enfouir les stationnements sous terre, imaginez. Et ils vont construire, il paraît, des glissades d'eau. Alors, on a tous hâte de ne pas y aller. Mais c'est ce que je voulais dire. Au 10-30? Oui, au quartier 10-30, effectivement. Et c'est un des promoteurs. Là, il paraît que ça va être aussi gros que les glissades d'eau de JP que je ne connais pas. Alors, imaginez comment je suis excité. Qui est déjà allé au 10-30 ici? Ben moi. Mon médecin est là-bas. C'est vrai? Ben oui. Moi, j'ai joué au 10-30. Vous avez joué à l'étoile du 10-30? Oui. C'est vrai? Oui. Il y avait des gens qui venaient? Il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens qui venaient. C'était. Mais les glissades d'eau, c'est. Qu'est-ce qu'on fait dans les glissades d'eau? Ben, on se prépare à aller voir un spectacle d'Alain Lefebvre. Hein, voilà. Voilà ce qu'on fait. Allez, on joint l'utile à l'agréable. Olivier, allez-y donc voir avec votre analyse. Je pense qu'il me reste plus de temps, mais. Ben oui. Il vous reste en masse de temps, Olivier. On va parler un peu de la Chambre des communes à Ottawa pour commencer. Le gros sujet cette semaine là-bas, c'était la participation du Canada à la guerre contre le groupe État islamique. Et on a presque oublié des questions importantes comme la journée mondiale des animaux, mais heureusement, le NPD était là pour ça. Il est aussi essentiel de prendre en considération les répercussions des activités humaines sur les populations animales, en particulier sur les épaisses menacées. Eh oui, il y a beaucoup d'épaisses et d'épais menacées au Canada, peut-être pas assez menacées d'ailleurs. Et en passant, ça c'était un excellent sujet qui a été proposé par la députée Isabelle Morin, madame la députée de... Notre-Dame-de-Grâce-la-Chine. Il y a aussi son collègue de Chambly, Mathieu Dubé, qui voulait dénoncer les sénateurs qui se plaignent des comptables qui vérifient leurs dépenses. Mais c'est ça le Sénat canadien, des non-élus sans aucune légitimité qui reclinent dès qu'on leur demande de rendre des comptes pour leur budget de 92 millions de dollars. Bon, on se doutait pas que les gens de Chambly parlent de même, là, mais... Chambly... en parallèle de ça, il y a le ministre Stephen Blaney qui participait au comité sur la sécurité, puis il nous a appris qu'au Canada, on n'est pas des couillons et qu'il faut protéger nos valeurs. We must take a strong stand in no uncertain terms. Barbarism. Le barbarisme, là, c'est pas une valeur canadienne, ça en sera jamais une. Ah, vous saviez pas, hein? Le barbarisme n'est pas une valeur canadienne et la barbarie non plus, d'ailleurs. Et c'est quand même drôle parce que la vraie définition du mot barbarisme, c'est ouais. Faute de langage consistant à employer des mots ou des formes qui n'existent pas dans la langue. Il a donc commis un barbarisme en utilisant le mot barbarisme. Wow! Du côté de Québec, pour une quatrième semaine de suite, on se posait des questions sur de possibles coupures en éducation. Et pour une quatrième semaine de suite, ben, Yves Bolduc s'est enfargé. Je dis aux députés, oui, l'argent est au rendez-vous. Nous sommes en train d'attacher les derniers fils. Et pour nous, la l'alphabétisation est tellement importante qu'on va continuer à y investir des montants assez importants. Ah oui, l'alphabétisation, c'est aussi mettre les lettres dans le bon ordre. Il y a aussi été question de l'abolition des commissions scolaires. Et Yves Bolduc est contre ou pas? Nous voulons que la population aille voter. Nous encourageons les gens à aller voter pour justement justifier cette démocratie populaire. Mais, M. le Président, c'est un test de crédibilité. Car si le taux est encore à 8 % et à 9 % il va falloir se reposer des questions. Il va falloir se demander ce que les gens veulent vraiment de la démocratie scolaire. Alors, si vous êtes contre les commissions scolaires, vous avez juste à ne pas aller voter, puis devant le faible taux de participation, ben, ils vont les abolir. Fait que Bolduc joue un peu sur deux tableaux, ou comme dirait Jean Lapierre en anglais... En anglais, il appelle ça « trying to suck and blow at the same time ». Non, non, je ne traduis pas. Mais ça se dit de même en anglais, puis c'est poli. Une traduction qui est quand même osée avec Paul Oud. Il y a une expression en anglais, c'est « trying to suck and blow at the same time ». Ça sonne mal, mais c'est ça. Oui, ça sonne mal, mais c'est ça. Ouais. Souffler et siffler, je crois, en même temps. Exactement. Mais enfin, non. Non, il y a valeur. Suck, c'est... Non, non, c'est pas ça. Blow, ça veut dire souffler. Suck, ça veut dire sucer. Pas besoin d'aller plus loin. Autre gros sujet cette semaine, ben, il y a PKP qui veut pas se départir de ses actions et Jean-François Lisée qui veut pas se départir de son ego, ce qui a permis au Dr Barrette de faire cette comparaison. L'histoire de Silvio Berlusconi est un magnifique exemple de choses à ne pas faire. Bon, franchement, le jour où il va sortir avec une main faite de la télé puis où il interviendra pour favoriser ses intérêts personnels, on en reparlera des comparaisons avec Berlusconi. De toute façon, capotez pas, PKP, il l'a dit qu'il allait pas se servir de ses médias. Je ferai également, au moment opportun, une déclaration sur l'honneur dans laquelle je m'engagerai solennellement à ne jamais intervenir dans le contenu éditorial des médias d'information de quelque manière que ce soit. Ah, une déclaration sur l'honneur et l'honneur de PKP, oui. Là, c'est l'honneur de PKP. Et en même temps, il y a le chroniqueur de Sun Media, Éric Duhaime, qui disait que pour lui, ça fait une différence de savoir qui c'est qu'il paye. Mais moi, c'est sûr que je relis mes colonnes un peu plus, mes chroniques un peu plus souvent avant de peser sur Send. Bon, ben quoi? Éric Duhaime qui se laisse influencer par l'argent, je suis flabbergasté. On va finir avec une petite citation de Francine Charbonneau, la ministre de la Famille. C'est là qu'on arrive à la délivrance du permis qui ouvre soit un CPE, un centre de la petite enfance, ou une garderie. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait en criant « chapeau ». Bon, ben je vous lève mon ciseau, Madame Charbonneau. Merci, Olivier. Merci beaucoup, Olivier. Et nous, on se revoit après les nouvelles. Une dizaine de minutes à s'informer de façon religieuse. Et on revient avec Alain Lefebvre. Vous restez avec nous, Alain? Oui, avec plaisir. Génial. Et on va retrouver Léane Labrèche d'Or. Merci tout le monde. On se revoit dans une dizaine de minutes. Bye. On est de retour à la brasserie Helm pour la deuxième heure de l'émission. Je suis toujours entouré de Jean-Sébastien Girard. Ça va bien, Jean-Sébastien? Oui, vous-même. Fred, ça va? Oui. Ça va bien, Fred? Oui, oui. Olivier Niquet, ça va bien, Olivier? Oui, papé. Alain Lefebvre. Bonjour, bonjour. Merci bonjour. De rester avec nous. Ben, je suis excité. C'est votre micro, hein? Approchez-vous du micro. Je vais parler dans la boule. Ah, voilà. Merci. On a une super deuxième heure pour vous. Vous savez, c'est l'histoire pour les Grecs qui se continue cette semaine. C'est ce petit segment qui éduque, en fait, les jeunes de nos jours. Rien de moins. Rien de... Non, mais c'est... Humblement. C'est votre travail, Fred. Oui, oui, oui. Et, c'est ma mission. Oui, tout à fait. Et c'est la deuxième partie de l'histoire de la radio. La semaine dernière, Fred a voulu faire une histoire de la radio. Il s'est rendu compte que c'était une histoire extrêmement touffue. Ben c'est ça. C'est encore, non, mais c'est encore un segment qui évolue. Alors, ça se peut que je fasse 8 ou 9 semaines de... De radio? De radio. On verra. On se rend... On va se rendre jusqu'à notre émission, en fait. La semaine dernière, on était en 1932. On a fini, en fait, avec la création de Radio-Canada en 1936. 36? Ouais. Alors, cette semaine, on se rend jusqu'à quelle année, là? 45. Et mon seulement. Dieu. 9 ans? Ouais. Hey boy. Ben, ça a été une période très importante. C'est vrai. Charnière. Bon, on a très hâte de l'écouter, franchement. On a posé une question en début d'émission, on s'en rappelle. C'est Olivier qui l'a posée. Est-ce que vous avez des bonnes réponses pour nous? Rappelez-nous la question. Je rappelle d'abord que le Journal de Montréal publiait cette semaine une série d'articles dans la peau d'un policier. Et alors, notre question, c'était dans la peau de quoi d'autre les journalistes du Journal de Montréal pourraient se mettre? Alors, il y a à peu près 50 personnes qui ont répondu dans la peau d'un vrai journaliste. Pas tellement gentil, je trouve. Ouais, les gens applaudissent. C'est affreux. C'est affreux. Même ordre d'idée, il y a LPCL, Mécanique Générale, qui nous dit « Dans la peau de quelqu'un qui a Antidote sur son ordi ». Ensuite, il y a Nicolas et Pierre-Claude qui ont eu la même idée. « Dans la peau de Paul Oud, dans la peau des passagers du vol MH17 ». Oh, non, mais arrêtez, là, de revenir avec cette histoire-là. Pauvre lui. Et aussi David qui dit « Dans la peau du docteur Barrette, il y a de la place pour tout le monde, toute la salle de rédaction ». Franchement. Franchement. Ah, vous savez, je l'aurais... sur le physique des gens, là. Je l'aurais pas lu, celle-là, moi. Ah non? Méchants, non? Non, j'aurais fait une petite job éditoriale, ouais. Je l'aurais pas lu. Mais bon, ouais. Ça, c'est le jugement de chacun. Ouais. Sinon, quoi d'autre? Ben, il y a quelqu'un qui propose dans la peau de Fred Savard, mais ça reste assez proche d'une police, déjà, parce que... Il joue toujours des policiers. Il faut savoir que Fred Savard a joué dans quelques films, quand même, et la plupart de ses rôles, ce sont des rôles de police. Tout à fait. Ouais. Ouais. Il y a une gueule de police, Fred Savard. Visiblement. De la SQ? Ou... Non, mais je pense que c'est la carrure. Je n'ai pas de muscles, mais j'ai des gros os. Vous êtes un gros osseux. Je suis un gros osseux. Tout à fait. Et ben la moelle. Merci beaucoup. C'est toujours la défaite des obèses. La circulation. La circulation. Mon Dieu. Ah, ça s'en vient polyphonique. Avez-vous entendu une petite voix féminine? Oui. C'est notre future chroniqueuse. Féminine à l'émission, Barbara, mais je veux pas voler de punch, là. Non, faites votre météo avant. Ouais, ben, c'est la circulation, Jean-Philippe. Ah, c'est... Ouais, excusez-moi. Ben, les deux. Voyons, on n'est pas. Il y a Frédéric Marcoux qui nous dit qu'il y a 3 voitures qui ne peuvent pas dépasser un tracteur sur la grande route entre Sainte-Marguerite et Sainte-Marie-de-Beauce. Gros bouchon. J'en parle parce que j'ai déjà fait un tournoi à Pee-Wee à Sainte-Marie-de-Beauce. Vous avez joué au hockey Pee-Wee, vous? J'ai joué au hockey Pee-Wee, ouais, pendant 9 ans. Alors, il y a Mathieu André. Vous avez joué au hockey Pee-Wee pendant 9 ans. Le boulevard Perron à Carleton-sur-Mer est bloqué dans les deux sens à cause du succès fulgurant de la virée. On dit pas... Carleton. Carleton, j'ai dit quoi? Carleton. Jonathan, pour vous signaler une série de violentes sorties de route sur la 15, près de la 440, devant le panneau publicitaire où on voit José Lito Michaud en robe de chambre. Je sais pas si c'est vrai. Peut-être. Hein, il y a une sorte de grosse affiche, hein, on en voit ces temps-ci. On voit votre visage également. Ben oui. Et il y a Jean-Philippe Audet qui voudrait avoir la météo de Medicine Hat. Qui est une ville en Alberta. Alors, vous me regardez, mais allez-y. Et vous savez que je suis météorologue. Ouais. Alors, je suis allé sur une carte sur Internet et il fait présentement 17 degrés. À Medicine Hat? À l'aéroport de Medicine Hat. Je ne savais pas qu'il y avait un aéroport là-bas, mais oui. Et c'est partiellement nuageux. Ouais. La pression est à 101,4 kilopascales. Et ça va être une belle semaine, mardi, 23 degrés. Alors, si vous avez des activités prévues à l'extérieur, à Medicine Hat, on fait ça mardi. Préférablement. C'est quoi le gentilé de Medicine Hat? C'est... Oh, bonne question. Ça doit être chapeaux. Des chapeaux. Ouais, des chapelets. Des chapeliers, chapelières. Oui, voilà. Et sinon, c'est pas mal ça. J'ai eu des gens, là, je vous dis tout de suite, des gens qui m'ont écrit. Quand c'est anonyme, je le dis pas. Vous ne lisez pas? Ça me prend un prénom. Ah oui? Quitte à l'inventer. Si vous n'avez pas le courage de votre météo, je pense que ça vaut pas la peine. Exactement. Tout à fait. Merci, Jean-Sébastien. Merci énormément. Voilà. Hey Fred, c'est le temps d'accueillir, vous savez, notre première fille à l'émission depuis bien longtemps. Chroniqueuse, évidemment. Alors, vous présentez-la nous. Oui. Notre nouvelle chroniqueuse se penche. Pas Dieu. Elle se penche sur l'économie, un sujet qui dépasse les compétences de toute notre équipe réunie. Accueillons Barbara Judith Caron. C'est, Mais c'est parce que chroniqueuse, oui. Je dis jamais ça. Mais non, c'est jamais... chroniqueuse, qu'est-ce que vous voulez? Alors, vous allez nous parler d'économie, Barbara? Oui, effectivement. Mais en fait, je voulais d'abord vous remercier, Jean-Philippe, de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Non, mais je suis vraiment contente d'être là. Je vous avouerai que quand vous m'avez proposé de prendre en charge la portion économie, affaires, finances de l'émission, j'ai hésité. Puis au bout de 5 minutes, je me suis dit, est-ce que ma contribution peut être socialement moins utile qu'un 10 minutes de radio publique sur le ballonné? Je ne crois pas. C'est bien dit, ça. Voilà. Alors j'ai accepté pour c'est ça. C'est fatiguant une voix de fille, hein? Ça vient nous chercher, là. C'est des aigus. On est bien, bien, bien aigus. Ça, on écoute la télé pour se reposer, là. C'est de la radio, Jean-Sébastien. Écoute. Superficiel. Continuez. Mais j'ai accepté pour ça, mais aussi, surtout parce que ben, je suis formée pour. Là. Je sais que ça va arriver comme un choc dans votre vie. Je préférais pas en parler pour pas que ça nuise à ma carrière dans le milieu culturel, mais là, je sors du placard aujourd'hui. Moi, je suis diplômée de HEC. Ah! Ouais, non, je sais, c'est... C'est une authentique histoire vraie. D'ailleurs, j'ai apporté mon diplôme pour le prouver. C'est vrai? Et oui, je vais vous montrer, mais je vais juste vous demander, par contre, de mettre des gants. En caoutchouc? C'est simplement pour ne pas mettre votre gros doigt dessus, parce que, voyez-vous, moi, quand Radio-Canada va fermer l'année prochaine, j'aimerais bien être capable de le vendre sur eBay pour me faire un petit revenu d'appoint. Alors... On va le mettre sur notre page Google+. Je l'ai ici. C'est authentique. C'est bien moi. Je peux vous donner mon permis de conduire aussi. Mais c'est un beau diplôme. Hein. Savez-vous que... C'est très chic. Moi, j'en ai chic. Un de l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est cheap en salle. Non, c'est... C'est l'élite. Ah ouais. Alors, ben moi, j'ai passé 3 ans au HEC, 3 ans à me faire répéter que je faisais partie de l'élite du monde des affaires, 3 ans à faire des feux de joie chaque fois que le TSX croissance finissait la semaine dans le vert, 3 ans où on m'a entraînée à avoir une très vive réaction cutanée dès que le mot syndicat est prononcé. Et encore aujourd'hui, je fais des rougeurs. Mais non, c'est pas vrai, je fais des blagues. Là, on a juste montré à saigner du nez. Donc, 3 ans à étudier, non pas dans un local générique là, du genre B1257, ouais. Mais plutôt dans une salle qui Metro Inc., qui Procter & Gamble, qui Standard Life. Ouais. Parce qu'au HEC, il n'y a pas de cachette. Il n'y a pas d'affaire de « on forme des citoyens du monde ». Dès que tu passes le pas de la porte de ta salle de classe, tu comprends que l'esprit critique, ça arrive loin dans les priorités, quelque part entre la sauvegarde des bélugas et dégeler ton congélateur. Alors, ce n'est pas si grave non plus. Là, comme dirait Yves Bolduc, pas avoir de culture générale, il n'y a personne qui meurt de ça. C'est juste qu'au HEC, on fait le pas suivant, ce qui tue nous rend plus forts. Ah, voilà. Ouais. Mais sérieusement, moi, j'ai eu des bons moments aussi. Je suis toujours contente de voir des anciens collègues dans les pages du journal Les Affaires. J'aime ça pouvoir me dire que j'ai déjà vu le leader de la semaine à l'initiation en couche dans une piscine de vomi avec la crème fouettée d'Infofoon. Dans ce temps-là, je me sens proche du 1%. Quoi qu'il en soit... Ouais, c'est ça. Et quoi qu'il en soit, bon, je sais pas si tout ça là, c'est assez pour vous convaincre. Sinon, ben il y a Martin Coiteux qui me suit sur Twitter. Et de toute façon, Gérald Fillon était pas dispo, fait que ça va être ça qui va être ça. J'ai déjà commencé à regarder les nouvelles pour vous. Je me suis même tapé du Bloomberg TV. Pour vrai? Oui, ça, c'est un genre de RDS du monde des affaires, là, mais avec des jokes de taux d'intérêt. Alors, voilà. En tout cas, je continuerai tout de suite avec ce qui a retenu mon attention cette semaine. Bon, les fiducies. Fiducies sans droit de regard sont partout dans l'actualité ces jours-ci. D'ailleurs, j'ai vraiment très hâte de voir comment Fabienne va récupérer ça dans 30 vies. mais pendant qu'on a les yeux rivés sur PKP, on en oublie ce qui se passe chez nos voisins de l'Est, parce qu'il y a Victor Boudreau, nouveau ministre libéral de la Santé du Nouveau-Brunswick, qui lui aussi va se servir de ce mécanisme-là pour se conformer à la loi néo-brunswickoise. C'est pas facile. Sur le conflit d'intérêts. Tout ça parce qu'il est copropriétaire d'une entreprise qui a dans ses projets de développer un terrain de camping dans la région de Chédiac. C'est là qu'on voit à quel point c'est polyvalent, une fiducie. Hein? ça ratisse large au chapitre de la résolution problème, empire médiatique, terrain de camping. Moi, j'ai un petit problème d'humidité à la part. Je pense que, en tout cas, je vais peut-être m'en servir aussi pour régler ça. Mettre votre humidité en fiducie? Oui. Voilà. Sans droit de regard. Ah, ben là, c'est très important. Sinon, j'ai aussi suivi les allées et venues de notre ministre des Finances pour vous. Lundi, M. Letao donnait une conférence à l'amphithéâtre Banque nationale de HEC Montréal. Ça prend du guts quand même. Moi, j'admire ça, les ministres qui vont confronter leurs idées en terrain miné. Et ces conditions extrêmement difficiles-là ne l'ont pas empêché de parler des 4 R si chers à son cœur, redressement, relance, repositionnement de l'État et restauration de la confiance envers le gouvernement. Nathalie Elgrabi-Lévy, dans le Journal de Montréal, a trouvé ça un peu mou. Elle propose plutôt la stratégie des 5 A, dont alléger la fiscalité, affranchir les entrepreneurs. De... Bon, le reste, vous irez le lire dans le Journal de Montréal. Oui, non, je sais pas. Moi, je l'ai payé mon abonnement VIP, là, vous ferez la même affaire. Et ce que je comprends pas, par exemple, c'est que tant qu'à faire un clin d'œil au Club des 4 H, on a tout simplement, pourquoi pas tout simplement récupérer la devise du Club écologiste de mon enfance, honneur dans les actes, honnêteté dans les moyens, habileté dans le travail, humanité dans la conduite. Mais là, je vous parle et là, je comprends pourquoi ça ne peut pas marcher. Là, il y a honnêteté, humanité, en gros, tout ce que je sais. Non, c'est ça. Non, ça ne marchera pas. Sinon, jeudi, on a eu droit à une révélation choc du PDG de Microsoft, Satya Nadella. Il a suggéré aux femmes en entreprise qui souhaiteraient avoir une augmentation de salaire de ne surtout pas le demander, je répète, ne pas le demander, mais de se fier plutôt à leur karma et au système qui va, au moment opportun, comme dirait l'autre, leur offrir l'augmentation qu'elles méritent. Ouais, c'est assez utile d'être bouddhiste des fois. Non, je sais, mais on a de la misère, nous autres, avec ces principes-là, les filles. Pourtant, des conseils masculins avisés qui ne nous rentrent pas dans la tête, on nous les donne sur un plateau d'argent. Tu veux une augmentation de salaire, fie-toi ton karma. Tu veux pas te faire violer dans un taxi, saoule-toi pas. Tout ça est d'une simplicité. C'est d'une simplicité. Je sais, c'est d'une simplicité et pourtant, on résiste. On résiste à ça et je ne sais pas pourquoi. En tout cas, vous n'êtes pas vite. Non, il s'est excusé pour ses propos, comme il s'est aussi excusé pour les piètres performances de Windows 8 qui n'a pas réussi à atteindre les 12% de parts de marché. Ouais, bon. Pour Windows 10, j'aurais envie de lui suggérer de se fier à son karma. C'est tout pour moi, Montréal. Merci. Merci. Ah, les gens applaudissent, hein? Ils n'ont pas le choix. Mais il faut dire que votre chum et vos amants sont dans la salle. Alors, ça aide énormément. En grand nombre. J'ai envie de demander, Jean-Sébastien, est-ce que vous avez apprécié cette chronique féminine? C'était gentil. C'est vrai. Non, moi, j'ai adoré. C'était pas... Il y avait du contenu. Je peux pas dire que c'était mauvais. Je pense qu'on a fait notre part pour un bout, par contre. Vous êtes un être désagréable. Et pour cette raison, nous accueillerons notre deuxième fille sur le plateau. On la découvre chaque semaine dans l'émission humoristique SNL sur les ondes de Radio-Québec. Accueillons Léane Labrèche d'Or! Je sais... Juste vous dire, Fred, c'est pas chaque semaine. Hein? Je sais que c'est une mensuelle, mais il y a tellement de reprises à Télé-Québec qu'on a l'impression que c'est hebdomadaire, c'est pour ça. Ah, c'est ça qui se passe. Blague. Léane Labrèche d'Or, comment ça va? Ben, ça va bien. Et vous, Jeep? Ça va super bien. Approchez votre micro pour vous. Vous allez faire un torticolis. Mm. Et je voudrais pas ça, hein, parce qu'on est à la veille du prochain SNL. Quand je dis à la veille, c'est la semaine prochaine. Pouvez-vous croire qu'on a une recherchiste ici qui nous a dit qu'il faut absolument recevoir Léane Labrèche d'Or à la veille du prochain SNL? Et on s'est tous dit, mon Dieu, ça passe le dimanche soir, cette affaire-là. C'est extraordinaire. Ben oui. Et non, c'est dans une semaine. Ouais. Alors, le concept de veille est très lousse à l'émission, sachez-le. Alors, on est à la veille... C'est un des concepts lousses, il y en a plusieurs. Alors, on est très heureux de vous recevoir à la veille de Noël comme ça. Et Léane Labrèche d'Or, j'ai lu dans votre dossier que vous étiez une fille très drôle et que vous adoriez le direct. J'ai lu ça et ça la donne très bien. On est une émission drôle et on adore le direct. Oui, mais là, ça met beaucoup de pression pour que je sois, moi, drôle dans ce direct-ci. Ah. Puis des fois, ça arrive pas là comme on veut. Ah non? T'sais. Est-ce que vous êtes une vraie créatrice qui a besoin de réfléchir avant d'être drôle? Fred est un gars comme ça. Hein? Ben, c'est parce qu'on est tous les deux des théâtreux, des comédiens. Voilà. C'est se mettre dans la peau de... C'est un long processus. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Hein? Mm-hmm. C'est long avant d'être drôle, c'est comme ça. Mais comment vous en sortez dans SNL, qui est en direct, évidemment? C'est une des rares émissions humoristiques, mais une des rares émissions qui est enregistrée et qui est diffusée en direct. Mais heureusement qu'il y a une générale publique. Ah, à ce point-là, hein? Mais dans le sens où il y a énormément de choses drôles qui se passent, notamment tout ce qui se dit en coulisses. Mais c'est vraiment une émission qui gagne à être... entre guillemets, répéter là, devant les gens parce que on est cloîtrés dans notre petit cocon de 6 comédiens, 4 auteurs et la production aussi qui a son mot à dire et tout. Puis quand on arrive devant les gens à la générale publique, l'heure qu'on a entre la générale publique et le show live, ben c'est vraiment c'est du hop oh, voilà, ça a pas marché, ça ouais. C'est on remanie beaucoup de choses. Puis c'est il y a faux ça là. Ça nous apprendrait ça nous prend ça. Ça nous l'apprendrait peut-être nous autres aussi. On n'a pas le temps d'apprendre. 10 minutes de nouvelles là, ça pourrait être un 20. Je vais juste dire ça. Ah ouais. Qu'est-ce que vous auriez amélioré dans cette émission là, supposons là, vous qui êtes si habitué de ben déjà quelque chose de plus homogène au niveau des coiffures, monsieur. Ici on a 3 pic plus le... un smooth wave. Donc, ça c'est Jean-Sébastien, Fred et Jean-Sébastien. C'est quoi un pic? Ah, allez, OK. Ben, je connais pas les termes capillaires des jeunes aujourd'hui, excusez-moi. Non, mais c'est ça. J'essaie de me rendre moi, ça. Moi, ça fait 20 jeune, ans que j'en ai une coupe. Pardon? Non, c'est pas grave. Non, ça fait 20 ans que j'en ai une coupe. Ça vieillit bien. Ben oui. Vous seriez étonné. OK, on va faire le tour. Ça, et la coupe de cheveux d'Alain Lefebvre, ça serait quoi la description? Mais c'est un peu comme la vôtre, mais avec de la maturité. C'est-à-dire des cheveux gris. Ce qui veut pas, ça veut dire de l'âge. Non, c'est pas de l'âge. C'est une fille bien, ça. Ah non, non. Elle a parlé de maturité. Ouais, ouais. Ah, ben, c'est très excitant, la maturité. C'est vrai, ça? Ah, ouais. Ça, c'est vrai. J'ai assez hâte de me rendre non, là. Non, c'est vrai. C'est dans combien de temps que je me rends là? Oh. Plusieurs années. D'ailleurs, Léane, est-ce que je vous ai présenté Alain Lefebvre? Ah, mais pas besoin, je le connais. Comment ça vous le connaissez, Alain Lefebvre? Ben, c'est une longue histoire. Oh boy. Oui, très. Mais... C'est-tu spécial ou... le premier souvenir que j'ai d'Alain, qui est probablement pas le même pour toi parce que visiblement tu m'as connu plus jeune, mais le premier souvenir, c'est moi qui rejoins mes parents en taxi parce que j'étais seule à la maison et qu'ils étaient à ton party de fête dans un restaurant chic dans Montréal. Et moi, petite fille de banlieue, j'avais pris un taxi seule. Voyons donc! Je suis arrivée à temps pour le gâteau. Vous étiez pas saoule, toujours? Oh. Un peu tipsy. Et si vous êtes fin, Ouais, non, mais je suis assez si gentil. Si vous êtes fin, très sérieusement... Ouais. Nous avons un scoop à vous annoncer. Non, arrêtez, là, non, arrêtez. Mais pas un scoop, pas un petit, là. Un gros? Une affaire grosse. Un énorme c'est scoop. C'est un major, là. Voyons c'est... donc. Non, non, incroyable. OK, là, vous là, allez vous là. Marier? Léane Labrèche d'Or, hein, et Alain Lefebvre ont un scoop. Allez-y, lâchez-vous lousse. Nous, on est en direct comme ça, là. Écoutez... On aurait peut-être dû le pratiquer, Marc. Et c'est grâce... et je dirais que c'est... Non, c'est un scoop, et là, je remercie le bon. Radio-Canada. Ah. Hein? Oui, oui. La première chaîne. On fait encore des bonnes choses. Et vous, hein? Parce que non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a de cela quelques années... Ben voyons, vas-tu l'entendre? Mais j'y arrive. Moi, je suis long à l'orgasme. Hein? Hey. Je suis un homme long. J'y arrive très fort, mais mon processus est un peu long. Oui, non, mais c'est correct. C'est ça, la maturité. Ben... j'ai assez hâte d'être rendu là. Donc... Là, j'ai les sourcils qui sont trempés, là. Moi, je me donc, mouille, là, il y a de cela quelques années, j'ai composé une toune pour Léane. Non. Oui. Et elle a chanté sur la toune, même en concert. Nous avons fait le Théâtre d'Outremont, on a fait, etc. Et là, vous savez que ça fait 6 ans que je n'ai pas fait de disque de composition. J'en enregistre un le 21, 22, 23 janvier, qui va sortir en mars. Oui. Eh bien, je vous annonce que sur le prochain disque de composition, Léane sera sur mon disque. Ben arrête! Oui, oui! Non, non, non! Oui! Je ne crois pas ça. Avec Michel Donato, Paul Brochu. Et la toune, c'est moi qui l'ai composée, elle n'est pas très bonne, mais elle chante bien. Elle chante bien. Ah oui. On a un extrait, non? Oh boy! On a fait jouer un petit extrait quand même. Oh, oui. Ah oui. Ah, c'est pour les pistes de danse. Cheveux. J'aimerais que j'avais 14 ans. Chant manicore. Vous aviez quel âge, Léane? 14 ans. Est-ce que votre voix a maturé un peu? Je le souhaite. OK, parfait. Prenons par l'avenue des nébuleuses et passons dire le bonjour à la face cachée de Danelou. Volons valsons, galopons sur la blanche voie lactée, loin des bombardements. Là, ce qu'il faut dire, c'est que Léane fait semblant d'être bien gênée, mais c'est elle qui a apporté le CD tantôt. Ouais. Mais ça, en fait... On n'est pas fait, oui. Droit de réplique. Droit de réplique à Léane Labrèche d'Or. On m'a demandé d'apporter le CD. Ah. Je suis quelqu'un de très bien élevé. Et tertio, J'ai beaucoup, beaucoup d'humour sur moi-même. J'en ai plus d'orgueil. Alors, jouons-le. Mais moi, ça me faisait penser à du petit René Simard classique. Oui, mais c'est pour ça qu'on va la mettre sur le 10 pour être sûr d'avoir une critique de monsieur Jean Gras. Ah, mais vous avez une bonne mémoire. Moi, quand je retiens des choses, je les retiens assez longtemps. Oui, bien, avec lui, on retient beaucoup de choses. Mais vous êtes bien élevé, là. Évidemment. On ne peut pas passer à côté. Vous êtes la fille de Marc Labrèche. Non, non, non! Jean-Sébastien Girard, ça devient très lourd. Et non seulement ça, on se l'était dit, ça n'arrivera plus deux verres de cidre dans une même émission. Je suis à l'eau, Jean-Sébastien. OK, d'accord. Est-ce que ça arrive de faire une seule entrevue sans que l'on parle de Marc Labrèche? Soyez honnête. Non. Alors, on n'en parlera pas. Voilà! Mais on vient juste d'en parler. Vous voyez, vous venez juste de comme contrecarrer votre plan de faire pas parler de Marc. Ah, c'est lourd. Ouais, mais en même temps, la question, est-ce que vous feriez des entrevues si vous n'étiez pas la fille de Marc? Cette question-là se pose. Non, oui, non, oui, sincèrement. J'ai des supporters! Ah, c'est très drôle, ça, Jean-Sébastien. Malgré tout, vous êtes drôle. Parlons quand même du prochain SNL, parce que, en fait, moi, je regardais votre parcours, vous avez beaucoup joué au théâtre. Et vous êtes souvent posé la question, théâtre ou humour? Bien, en fait, moi, je pense clairement qu'on peut allier les deux. Puis, Marc l'a fait. Marc qui, déjà? Écoute, ça m'échappe tout le temps quand je pense je à lui. Marc Gingras. le fils de Claude. Le fils de Claude. Ouais, sûrement. La Brèche, ouais. C'est ça. ouais. Mais non, mais je crois vraiment que les deux peuvent bien s'allier de l'intérieur, de l'extérieur, de ce que les gens perçoivent, et après ça, comment on est facilement catégorisé. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que si... Moi, depuis que j'ai fait SNL, le premier épisode l'année passée... Oui, au printemps passé, oui. On était comme, « Ah, des filles en humour, il n'y en a pas beaucoup. » Là, je fais, « Ben, c'est gentil d'affirmer que je suis une fille, ça me fait plaisir. » Déjà ça. Déjà là, un point de gagné. Ouais. Deuxièmement, par contre, j'ai pas nécessairement fait des études en humour. Au contraire, Andromaque, Hermione, ces grands rôles-là, je les ai testés. Oh mon Dieu, que ça devient plate vite. Hein? Non, mais je pense pour vrai que c'est on est capable... On aspire les comédiens à faire... d'avoir l'éventail le plus large possible. Puis après ça, tant mieux si ça se développe plus d'un côté et de l'autre. Là, on a tous nos affinités. Mais vous venez de le dire, vous êtes déjà fait dire que il n'y a pas beaucoup de filles en humour. On faisait une blague tout à l'heure. On a reçu notre première chroniqueuse fille à l'émission, c'est Barbara. Et franchement, prenez votre micro dans les mains, Barbara, c'est bien important. Non, mais à ça, on n'y est pas. Un deux. Ah, elle est très drôle. Es-tu folle? Jean-Sébastien, ça s'appelle de l'humour. Et je me pose la question, pourquoi il y a si peu de filles en humour? Pourquoi c'est difficile de trouver une bonne chroniqueuse économique drôle? Dis de même. Mais il y a Clémence. Je vais dire quelque chose de bien niaiseux, mais dites-le. Il y a moins de gars en théâtre et moins de filles en humour. Je pense que c'est une question de trucs qui nous attirent. Nous, les filles, on veut mettre des grandes robes. Des beaux costumes avec des perruques et des maquillages qui nous font avoir l'air 20 ans plus jeunes, je pense notamment à Sylvie Drapeau. Et ça en humour, les gars, je vais dire un mot anglais, le easy going de tout seul sur scène, ça vient facilement aux hommes parce qu'ils sont plus imbus d'eux-mêmes. C'est une bonne réponse. C'est parce qu'on a été élevés comme ça. On est victime de ça. Oh, vous êtes victime. Oh, ouais. C'est le patriarcat. Moi, je pense c'est le patriarcat qui nous enseigne à être imbus de nous-mêmes parce que sinon, nous aussi, on a envie de pleurer. On nous empêche. Mais laissez-vous aller. Ben oui. Vous vouliez porter des robes, vous aussi, Fred, dans ton empêche. J'en portais quand j'étais petit. C'est vrai? Oui, des bas culottes aussi, lui-même. Vous avez un petit fond. Mais j'avais une grande sœur. Mais Léane, donc le prochain SNL, c'est samedi prochain. Exact. Le host, comme on dit en anglais, c'est Antoine Bertrand. Oui. Est-ce que vous avez déjà des sketchs écrits? Est-ce que tout est prêt? On a fait effectivement les premières lectures, les tris de textes, puis on entre mardi parce que cette semaine, Action de grâce. En général, c'est le lundi qu'on répète puis qu'on met en place les choses. Mais là, mardi, donc cette semaine, on entre à Télé-Québec, dans un studio néon, là, en haut, une salle de conférence, qu'on appelle. C'est très beau, hein, Télé-Québec. Oui, c'est charmant. Ouais. Puis on commence à placer ça tranquillement, pas vite. Et puis, jeudi, vendredi, hop, lai, lai, samedi live. Est-ce que ça va être bon? Parce que j'ai lu quand même qu'il y avait plusieurs textes qui étaient des textes d'origine, c'est-à-dire des textes qui avaient été repris de la série américaine. Mm. Et il y en a quelques-uns qui sont originaux. C'est quoi le pourcentage pour le prochain? Pour le prochain, il y a beaucoup, beaucoup de sketchs originaux. Puis il y en a un, si je ne me trompe pas, seulement un qui est repris des États-Unis, puis il est repris de façon préenregistrée. Il y a toujours un ou deux sketchs préenregistrés pour les retours de pause, etc. Puis ça va être un sketch. Donc, repris. Si c'est pas drôle, c'est un peu de votre faute. Si c'est pas drôle, ben moi, je m'en lave les mains. Ah, voilà. Parce que je mets ça sur le dos de la, j'ai pas, la production. Oui. Je sais pas. C'est une bonne habitude à prendre, Léane. Ouais. Genre. Merci. Vous restez avec nous pour le reste de l'émission, j'espère. Certainement. Ah, ça, c'est très gentil. Merci beaucoup, Léane. Frédéric Savard. Enfin du contenu. Oui, on le disait au début de l'émission, c'est la deuxième partie de l'histoire de la radio par Frédéric Savard. Ouais. Frédéric nous donne des cours d'histoire, Léane. Oui, Y, n'a aucune culture. Alors, juste avant que vous feuilletiez le livre de Bleu Nuit, je sais. C'est dans le porno. Ah ouais. Je vous demande un petit peu d'attention parce qu'il y a besoin de ça, Fred. Allez-y. Oui, alors, là, vous vous rappelez la semaine dernière, on avait relaté les débuts de la radio avec notre ami Fessenden, ce Québécois qui a inventé la radio. Création de CKC, première radio en Amérique du Nord et de la CBC en 36, donc de Radio-Canada. Et c'est là qu'on est rendu cette fabuleuse épopée. Ah oui, j'ai oublié, j'ai fait une petite erreur. Vous savez, je dissémine mes chroniques d'erreurs pour voir si les gens suivent, évidemment. Et on m'a écrit pour me dire que Dupuis et Frères n'étaient pas sur la Plaza. J'avais dit ça la semaine dernière. Ouais. Et c'était bien sûr sur la rue Sainte-Catherine. Mais on le savait tous, évidemment. C'est pour ça que c'est la place Dupuis. Ça le dit, Dupuis et Frères, place Dupuis. C'est toute la même famille. Alors, c'est cassé. Donc, création de CBC en 1936 et donc de Radio-Canada. Ouais. Qui a un but? À l'époque, gros problème à la radio, américanisation des ondes, donc à la CBC, au gouvernement fédéral, on veut faire la promotion de la culture francophone et on va créer Radio-Canada pour ça. CKAC, pour sa part, présente encore beaucoup de musique américaine, mais également des radios-romans et des radios-théâtres qui ont de plus en plus la cote. Et on diffuse les lundis soirs les fameux Lux Radio Theater du cinéaste américain Cecil B. DeMille, que vous connaissez sûrement, où amis. Les vedettes du cinéma américain font des fils au micro. Et à CKAC, à l'époque, on est bilingue. On diffuse en français et en anglais et les francophones ont accès à ça et c'est ce qui va donner l'idée à CKC de faire une version en français de Radio-Théâtre et la création de Radio-Canada. Ils vont beaucoup axer les débuts de la programmation sur ça. Les radio-théâtres, les radio-romans. CKC ne voit pas d'un bon oeil l'arrivée de Radio-Canada. C'est un monopole radiophonique. Et le gouvernement du Québec non plus, parce qu'ils n'ont pas les moyens de créer une radio typiquement québécoise, mais ils vont commanditer une émission à CKC qui va s'appeler L'Heure provinciale. Ah oui? Et ce sera dirigé par Édouard Montpetit, qui s'occupait du contenu. Et c'est une fameuse rue aussi. Hein? C'est une très grande rue. Et Henri Letondal va animer ça. Ça va être une émission qui va servir à promouvoir la culture québécoise en présentant des créations littéraire, des causeries scientifiques et des actualités sur l'agriculture et la colonisation. Et ça va avoir un succès phénoménal. On est au début des années 30. Radio-Canada, qu'on appelle par ses lettres d'appel CBF, va aller beaucoup plus loin que CKC et va présenter sur ses ondes une foule de radio-romans et de radio-théâtre, mais surtout permettre à des comédiens d'ici de gagner leur vie parce qu'on va les payer. Ce que CKC ne faisait pas. CKC disait « Ah, on vous donne un micro, c'est de la promotion, vous allez faire du bénévolat. » Et Radio-Canada va vraiment instaurer un système va permettre à des comédiens de gagner leur vie parce qu'en 1939, entre autres, il va avoir 16 heures de radio-romans par semaine. Est-ce que c'est pour ça qu'on Radio-Canada a fermé aujourd'hui? Pas tellement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est très difficile de gagner sa vie à Radio-Canada, à moins d'être animateur. Sinon, on doit faire toutes sortes d'autres choses. N'est-ce pas, Alain? Moi, j'écoute. C'est quand CBF, en guerre ouverte, se livre tout au long de la période 39-45. Une véritable guerre, mais de la qualité, vraiment, parce que... Ah oui? Oui, à CKC, on va aussi... C'est une ancienne époque, c'est une très ancienne époque, oui. Alors, on va y aller avec beaucoup de fiction, évidemment. Et en 42, la CBF va aller faire un gros coup, va aller chercher Claude-Henri Grignon. Ah ben oui. Qui vivotait de son métier, carrément, pour porter sur les ondes la saga Un homme et son péché, qui deviendra l'émission phare de la radio et rendra riche son auteur. Les épisodes quotidiens de 15 minutes seront les plus écoutés au Canada et possiblement en Amérique du Nord, contrairement à Séraphin Poudrier. CBF n'était pas chiche quand venait le temps de parler de ses codes d'écoute. Évidemment, c'était pas la même façon de mesurer qu'aujourd'hui. Je sais pas si en Amérique du Nord c'était la plus écoutée, mais certainement au Canada. La Deuxième Guerre mondiale va propulser le médium de la radio vers de nouvelles sphères et c'est Radio-Canada qui va prendre énormément de galons en créant de toutes pièces un service de nouvelles, de reporters, de techniciens, une expertise qui fera école. Et c'est sur les ondes de CBF, donc de Radio-Canada, qu'à partir de 1936, on va entendre parler d'Hitler pour la première fois, ben et de rumeurs de guerre. Oui, tout à fait. Et on ne mesure pas bien encore le pouvoir de la radio, mais en 1938, on va le faire grâce à Orson Welles. Vous vous rappelez sûrement qu'il avait de l'Halloween. Oui. Va orchestrer pendant sa fameuse émission Mercury Theater, la fausse invasion de la Terre par des martiens. Les auditeurs vont être en panique. On appelle la police, on appelle l'armée. On dénombre une centaine de crises de panique. Et on parle même de possibles suicides. C'est d'ailleurs par la radio aussi qu'Adolf Hitler va asseoir son ascendant sur l'Allemagne. Marshall McLuhan a une excellente théorie très intéressante qui veut que Hitler n'aurait jamais connu une telle ascension si la télévision avait existé au début des années 30, puisqu'il était visiblement agressant et rébarbatif. Deux caractéristiques qui s'appliquent pourtant très bien à Éric Salvaille. Avec la guerre en 1939, la CBF va diffuser des émissions comme L'Histoire en marche, Le monde nazi, Réponse à Hitler, À la gloire de la marine, et Louis Francoeur va devenir la tête d'affiche d'une longue série de reportages terrain qui marqueront l'histoire de Radio-Canada, et c'est ça qui va donner aussi le coup d'envoi à toute cette grande tradition de reporters terrain qu'on connaît encore aujourd'hui avec les Jean-François Lépine et Raymond Saint-Pierre, entre autres. Et à sa mort, d'ailleurs, M. Francoeur, il va avoir 50 000 personnes qui viendront se recueillir sur sa dépouille. C'était vraiment une vedette incroyable. Il faisait des émissions sérieuses d'actualité internationale. Ça m'étonnerait que 50 000 personnes aillent se recueillir sur votre dépouille, Jean-Philippe. Et c'est pendant la guerre que des gens comme René Lecavalier et René Lévesque feront leur début radiophonique à Radio-Canada. Évidemment, René Lecavalier va s'occuper après ça du hockey et René Lévesque de politique. La guerre va permettre aussi à Radio-Canada d'innover avec la création du service à ondes courtes qui deviendra le service international de Radio-Canada en 1942. Sans entrer dans les détails, les ondes utilisées présentement pour m'écouter m'empêtrer dans mes explications sont des basses fréquences plus stables, mais voyagent à des distances n'excédant pas 1000 km. Ça prend après ça des stations relais. Les ondes courtes moins stables sont beaucoup plus faciles à diffuser sur de longues distances. Et à l'époque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on avait peur que la BBC tombe aux mains des Allemands, si jamais les Allemands réussissaient à envahir l'Angleterre. C'était l'aussi grande peur que finalement on a aujourd'hui que les conservateurs et la mamie sur Radio-Canada. C'était la grande peur. Et vous voyez, aujourd'hui, on paye le pays. Et voilà. Peur, et à l'époque... Je trouve que c'est une belle comparaison. Et à l'époque, c'est beau. Et que j'espère que vous assumez, Alain Lefebvre. Quand vous allez avoir beaucoup d'amis, moi. Beaucoup. Mais à l'époque, on avait vraiment peur de ça. Et le Canada devenait, en fait, le backup de la BBC. Et c'est pour ça qu'on a exigé que Radio-Canada crée le service d'ondes courtes. Les ondes courtes vont également permettre à Radio-Canada de diffuser des émissions spéciales pour les militaires canadiens en Europe, et aussi par les ondes courtes qu'on va entendre les fameux bulletins de nouvelles de la BBC qui se rendaient ici. Ouais. Et les ondes courtes vont également permettre aux Québécois d'entendre des émissions de propagande allemande provenant de Radio Berlin et Radio Stuttgart. On va même cibler le Québec pour diffuser d'Allemagne des émissions en français pour demander aux Canadiens français de ne pas entrer en guerre contre l'Allemagne. Dans le journal Le Jour, le journaliste Jean-Charles Harvey relate le dimanche 23 juin, c'est en 43, je crois, la radio allemande, au cours d'une émission sur ondes courtes destinée au Québec, a fait savoir qu'Hitler offre sa pleine et entière collaboration pour que l'indépendance du Québec se réalise. Ben non. Nous n'avons qu'à nous rebeller contre la Grande-Bretagne et obtiendrons ensuite notre Laurentie. Alors, vous voyez, les militants péquistes d'aujourd'hui auraient été ravis d'entendre une nouvelle comme ça à l'époque. Le service international de Radio-Canada va lui permettre de développer une expertise en information à l'étranger. Ouais. Au début, on envoie un technicien, mais après ça, on va créer quatre camions, en fait, des premiers camions, et c'est une première mondiale, qui vont se promener partout sur le théâtre des combats, et qui vont permettre d'avoir des reportages genre à Londres sur les bombardements en temps réel, et ça, c'est une première mondiale. Et il y a le sport, évidemment, qui, parce qu'on ne parlait pas que de guerre, le sport va faire sa grande entrée sur les ondes, avec radiodiffusions de football, de baseball. C'est des matchs qui viennent des États-Unis, on est obligé de les traduire. On n'envoie pas d'analystes et de commentateurs. Les analystes sont ici. Okay. On écoute les commentateurs américains, on traduit, après ça, on radiodiffuse. C'est par la suite qu'on va avoir les moyens d'envoyer des René Lecavalier à Toronto pour un match pour planter les Maple Leafs contre les Canadiens. À cause de la guerre, les arrivages de disques français sont interrompus au Québec. Alors, CKC diffuse toujours de la musique américaine et Radio-Canada va se tourner vers les artistes d'ici pour diffuser de la musique d'ici. Ah. Et c'est là que le Soldat Lebrun, Jean-Sébastien, j'imagine que ça a bercé votre enfance. C'est clair. Le Soldat Lebrun, avec son répertoire de chansons militaires mélangeant le folk et le country, qui va devenir une vedette de la francophonie grâce à Radio-Canada. Le Soldat Lebrun. Soldat Lebrun, oui. Mais vous avez vraiment Pour les plus vieux. Non, mais je connais quand même. Mais c'était une grande vedette. Avec la Bolduc, là, c'était une très grande vedette. Oui. Et en 1945, ce sera la fin de la guerre, mais aussi l'apparition d'une nouvelle station, CJSO à Sorel, et ainsi que deux nouvelles stations FM, une première, une à Montréal et une à Toronto. Et c'est ce que je vous parlerai sûrement la semaine prochaine. Ben voyons donc, c'est sans arrêt votre histoire sans pour arrêt. Les Grecs. Merci beaucoup. Ah mon Dieu! C'est le retour de mon moment préféré de l'émission. Vous étiez étonné. Ben, je suis étonné à chaque fois parce que je prépare jamais cette émission-là. Vraiment, je me laisse aller comme ça et je vis au fil des segments. Et donc, c'est ce moment où on peut jouer à un petit jeu qui nous fait poser une éternelle question. Vous savez, quand on parle de notre bonne vieille télé et on entend une actrice, on se demande « Coudon, elle, là, es-tu morte ou est vivante? Ouais. » hein? Et alors, cette semaine, j'ai deux petites questions pour vous. C'est deux petites questions de rien du tout. C'est deux extraits. Le premier, c'est un comédien. OK? Alors, on va entendre l'extrait d'un comédien et vous devez me répondre qui est ce comédien, dans quel téléroman il jouait, et évidemment, s'il est décédé. La deuxième question, j'ai un thème d'une émission populaire. Ben, évidemment, il y a des chances que vous étiez pas né, malheureusement, Léane Labrèche d'Or, mais vous connaissez bien votre télé quand même. Alors, elle me répond oui, des yeux, et ça me rassure énormément. Tout le monde peut jouer. Hein, moi non plus, j'étais pas né, là. Ouais, on ben, attendez pourquoi un peu, là. Pourquoi elle est pas née, moi, je suis né? Je veux dire, Jean-Sébastien a 39 ans, puis il connaît moi, Séraphin par cœur. J'en ai 29. Je veux dire, ah, vous avez 29 ans? Ben, bien sûr. Ah, ben, c'était un dur 29 ans, quand même. Hein? Ben, c'est pour ça que j'ai une mèche blanche. Ah, voilà, voilà, voilà. Alors, j'espère que tout le monde est prêt. Oui. On va vous faire jouer un premier extrait, et vous devez là, vous pitcher sur votre micro pour me donner la bonne réponse. Vous écoutez bien, et c'est un petit hommage que je fais à mes amis ici. On écoute. T'arrives ou tu t'en vas? On t'a pas dit à la maison que j'allais arriver? T'as comme de raison tes examens. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Ouais, ben, je pense que... Je vais pas d'avoir l'air niaiseux, mais j'imagine que c'est une petite fleur à Léane. C'est son grand-père? Non, pas du tout. Alors, ah, on continue. T'arrives ou tu t'en vas? Je vois ça bien gros. T'es effectivement dernier niaiseux. T'as comme de raison tes examens, c'est important. Mais j'aimerais ça te voir un peu de temps en temps. Il me semble que je te vois plus. Alors, je comprends ça. Ah, mon Dieu. Minute. Même dans la rue, tu peux embrasser ton père sans scandaliser personne, tu sais. Mais oui. Eh hey, mon Dieu, mais vous êtes. C'est pas de l'argent, tout ça. Vous avez aucune idée. C'est-tu Guy Provost? Non. Ce n'est pas Guy Provost. Et je tiens à vous dire, pour les gens qui sont ici, Jean-Sébastien et Fred Savard, mais surtout Jean-Sébastien, a toujours la bonne réponse. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, j'ai passé un mini-extrait. C'était de qui déjà? Dans Les Héritiers du Val. Dans Les Héritiers du Val, d'une comédienne qui est aujourd'hui dans 30 vies. Vraiment, là, elle avait un second rôle. Il a attendu deux mots et il a levé puis il a crié. Pour nous donner la bonne réponse, je me disais, mon Dieu, il n'y a plus rien à son épreuve. Et là, pourtant, c'est un comédien qui fait vraiment... que vous mentionnez régulièrement, Jean-Sébastien. Alors, on réécoute une dernière fois. Ah, c'est pas Roland Chenaille? C'est Roland Chenaille! C'est la bonne réponse. Le clan Beaulieu. C'est pas le clan Beaulieu, par contre. Ah, mais c'est la suite du clan Beaulieu. Qui s'appelait? La suite du clan Beaulieu... Unité 9. Les héritiers. Merci, Léane Labrador. Ça fait plaisir. C'est effectivement la suite du clan Beaulieu. C'est pas les bergers? Non, mais c'est pas la suite du clan Beaulieu. C'est pas ça qu'on cherche. C'est dans quel téléroman? Dans la fin du clan Beaulieu, Ronald Chenaille, on pense qu'il y a un accident d'auto qui va mourir. Finalement, il revient dans la suite avec Rita Bibo. Mais c'est pas celle-là. Mais arrêtez. Ça fait rien, non? Je vois, vous connaissez quand même au moins un de vieux téléromans, Alain Lefebvre. C'est quoi la première lettre? La première lettre du téléroman? Alors, Star Radio-Canada. Je vais commencer à vous donner ça. Star Radio-Canada, ça a été joué de 66 à 77. Là. C'est pas Rue des Pignons? C'est Rue des Pignons, Fred Savard! Mais quel homme est très intelligent, quand même. C'est une question de mémoire. Arrêtez avec l'intelligence. Mais non, quand même, vous avez une culture. Je me rappelais de Rue des Pignons, mais ça a joué jusqu'à 67. Ça a joué 11 ans, en fait, 12 saisons complètes pour Rue des Pignons. Ouais. Dans Rue des Pignons, on pouvait évidemment voir Juliette Béliveau. Est-ce que vous vous rappelez de Juliette Béliveau? La toute petite Juliette Béliveau du National, avec sa petite voix, qui jouait, qui faisait la tente dans la première mouture de Séraphin. Pas de Séraphin, de La Petite Horreur, l'Enfant Martyr. Ah. Ben voyez, quand je vous dis qu'il connaît sa télé, Jean-Sébastien, effectivement, et Roland Chenaille nous a quittés il y a très peu de temps, en fait. Il y a 3 ans, 4 ans, en fait, Roland Chenaille nous a quittés. C'est une bonne réponse, Fred Savard, bravo. Et là, le deuxième, vraiment, là, vous vous lâchez lousse. C'est un thème d'émission, on va l'écouter. Si vous connaissez la réponse, et même dans la salle, je veux que vous criez, on écoute. Vous le savez, Jean-Sébastien? C'est Les Moineaux et les Pinsons? C'est Les Moineaux et les Pinsons. Avec Fernand Gignac et Rita Lafontaine. Ouais. C'était la famille pauvre, donc c'était Les Moineaux. Et les Pinsons, la fille était... En fait, c'était deux jeunes amoureux et leur famille était diamétralement opposée. C'est celui, c'était des riches et des pauvres. Ouais. Et mais voyons donc. C'est un chauffeur de taxi. Ouais. Puis les riches, donc c'est la famille, on appelait ça un industriel dans le temps. Les Moineaux et les Pinsons à TVA. Oui. Et le fils Moineau, c'était le comédien qu'on connaît bien, là, qui s'appelle... Excusez-moi, je suis distrait. C'est toujours le segment où la salle se vide. Non, pas vite, les gens sortent, ils en vont manger, ils en vont prendre un verre. C'est un téléroman de Georges Dor. Ben, c'est justement ce que j'allais dire. C'est un téléroman de Georges Dor. Il est là, le lien, effectivement. C'est donc le téléroman de Georges Dor qui est votre grand-père. Oui. Fait que la manique, c'est votre grand-père. Je suis vraiment donnée des deux côtés à comme plein de talents. Et qui jouait dans Les Moineaux et les Pinsons? Ben, il disait tantôt, là... Gaétan Labrèche, qui jouait dans... Ben really? Oui! Oh my God, I didn't know! Really? I like what? Vos deux grands-pères ont collaboré pour les moineaux personne et les pinsons. Personne n'a jamais dit ça. Arrête, et quand non. Je dis personne, je cible vraiment deux individus, mon père et ma mère en particulier. Mais ils vous ont personne jamais dit ça. Jamais dit ça. Mais arrêtez donc. Ils jouaient quoi? Mais c'était ben ils jouaient quelque chose. Mais c'est pas important. Jean-Sébastien était juste dans la distribution. Mais on vous l'apprend ici. Mais c'est deux scoops ça pour les Anne Labrèche d'Or en une seule émission. Ouais. Voyez ce qui grosse se passe. Grosse soirée. Hein? Voyez ce qui se passe quand on arrive ici. Mais bravo, merci beaucoup. Et bravo Jean-Sébastien pour votre moineau et votre pinceau. Et ça me permet de vous passer le micro et vous demander, est-ce qu'il y a des anniversaires à surveiller cette semaine? C'est des anniversaires c'est la semaine. C'est vraiment une toute petite semaine, Jean-Philippe. Un seul anniversaire. C'est l'anniversaire de la comédienne Jessica Barker, demain. C'est une petite semaine, indeed. Une toute petite semaine. C'est celle qui a atteint le pic de sa carrière en pissant dans ses culottes dans Les Filles de Caleb. Jessica va donc avoir 38 ans. Ça n'a pas de sens, Jean-Sébastien. Mais quelle scène! C'est formidable. C'est une vraie scène. Moi, j'ai besoin d'une télé. C'était dans Les Filles de Caleb. Elle avait un problème. C'est plus à la télé, Les Filles de Caleb, Alain, par contre. Non, okay. Non, je vais vous le dire. Voilà. Alors, son signe astrologique, c'est Balance. Son signe chinois, c'est le serpent, puisque son année de naissance est 1979. Alors, on dit bonne fête, Jess. Bonne fête, Jess. Merci, Jean-Sébastien. C'est très gentil. Hey, ça serait pas le temps d'un peu de sport? Ça fait de maintenant 8 semaines qu'on est en onde et je me dis un jour il va parler de bowling parce que dans sa petite présentation, il y a toujours des sons d'aller de bowling. Non, mais là, le hockey a recommencé, on parle de hockey. OK, d'accord. Alors, vous avez sûrement regardé ça hier, le match. Toute une remontée de Canadiens, ils perdaient 3-0 en troisième, ils ont gagné tout 4-3 en fusillade, c'était super. Et vous savez, Léane a fait des bruits de bouche comme Vous l'avez écouté, Léane, hein? Oh mon Dieu, oui! Et j'ai été aussi surprise que délactée. Je sais pas comment dire, mais. C'est peut-être vrai, maintenant pour. Ça se pouvait pas, cette troisième période-là. Moi, je reproche aux Canadiens depuis des années que leur troisième période, c'est vraiment un peu toujours caca. Ah, moi, j'ai arrêté de l'écouter à cause de leur troisième période. Mais là, ça fait deux matchs que la troisième période, c'est là où ça se passe. Moi, j'étais très réfractaire avant de commencer à écouter le match. Jean-Sébastien, vous l'avez pas écouté le match. Arrêtez de parler de choses que vous avez pas écoutées. Olivier. Bon, sinon, prochain match lundi soir contre le Tempa. Mais en attendant, on va faire notre petite entrevue traditionnelle. Et là, oui. Je vais faire ça avec Marc Bergevin plutôt que Michel Therrien. Alors, première question, Marc, comment t'accorderais le verbe soumettre à l'infinitif, mais autrement dit? Autrement dit, la date pour soumir pour mettre tes 23 gars avant le début de la saison, mais si elle a, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Oui, mais là, vous avez quand même fait les dernières coupures, mais moi, je pense que c'est important d'avoir un mélange de jeunes et de vétérans pour que ça fonctionne bien. Est-ce que ma théorie fait-tu de l'allure? Certain que tu étais dans le hockey à un endroit ou l'autre parce que ce que tu dis fait beaucoup d'allure. C'est des théories qu'à l'interne, qu'on discute encore aujourd'hui. Ah, ben merci. Oui, j'étais dans le hockey à un endroit ou l'autre. Dans ma ligue de garage, d'ailleurs, on en parle souvent de cette théorie-là. Fait que sinon, tu es confiant avec la profondeur des jeunes? On est confiant avec la profondeur des jeunes qu'on a en ce moment. Puis on va aller avec ça. C'est vrai que tu as l'air confiant quand même. Tu es content aussi du jeune Sekache? C'est un tribouillard? Bien, Sekache, jusqu'à maintenant, je pense qu'il se débrouille très bien. Bon! Mais il y a quand même 0.3 matchs. Il va falloir qu'il se dégadine. Et pour finir, dis-moi donc, ça n'a pas dû être facile d'adresser Francis Bouillon. Hein? Y as-tu pensé beaucoup? Hier, je me suis couché, puis j'ai eu un rêve cette nuit de la façon pourquoi je t'ai pour adresser Francis. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Non, hein? C'est quasiment un cauchemar, même. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès, Marc. On va continuer comme ça. Sinon, mardi, TVA nous apprenait en exclusivité que le comédien Michel Daigle, vous savez c'est qui Michel Daigle, Jean-Sébastien? Oui, c'est Nounou. Ben oui. C'est celui qui faisait le père de Valérie Gagné dans Chop Suey aussi. C'est sûr qu'il était. Oui, c'est vrai. il jouait dans L'Ancien Compte. Oui, c'était le chum de Karine Mousseau aussi dans Virginie. Ah oui. OK. Karine Mousseau, la fille de Rosanna Saint-Cyr. Les matins. Les matins. Plus tard, les matins. Nounou lançait un cri du cœur cette semaine. C'était d'ailleurs le titre de TVA exclusif. Un comédien lance un cri du cœur. C'est que Nounou, il n'est pas content des heures d'ouverture de l'urgence de Saint-Jean-Port-Joli. Je le site, là, les agences de la santé, ça coûte 800 millions d'argent de pousseux de papier tabarnak. Cet argent-là ne s'en va pas aux malades. D'après moi, c'est Régent Tremblay qui écrit ses textes encore. Ou sa fille, hein, ça dépend. Peut-être. Ouais. Non, je pense pas. Ça, c'est drôle. Ben quand même, c'est vrai. Parlant de Régent, il a fait une longue entrevue ce matin avec le président de Québécois, Pierre Dion, dans le Journal de Montréal. Il racontait comment M. Dion a regardé le premier match à TVA Sports en inscrivant les plus et les moins sur une feuille de papier. Je cite, « Des plus pour le son et la qualité de l'image, des moins pour d'autres aspects. Hein? » Bravo pour la transparence. Il explique aussi qu'il joue au hockey dans une ligue de garage et que ses chums de gars se permettent de critiquer son entreprise, je cite encore, « Et quand ils n'aiment pas quelque chose, ils le lui disent, sans gêner, mais les compliments ont d'autant plus de poids. La valeur de la louange tient dans la liberté de critiquer. » Et Régent finit en disant que cette phrase ressemble à du Beaumarchais. Régent, c'est un peu le Beaumarchais des pauvres. En fait, Beaumarchais a dit, « Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. » Et après avoir lu l'hommage de Régent à Pierre Dion, je pense qu'on peut conclure que justement, il n'y avait pas tant que ça de liberté de blâmer. On va finir avec l'exploit sportif de la semaine. Ça va à Julie Snyder. Hier, était avec son conjoint à l'Arena Melançon pour souligner la candidature de Saint-Jérôme et Mirabel pour les Jeux du Québec en 2017. Et on peut voir une photo de Julie en talons hauts de 6 pouces qui marche sur la glace pendant que PKP, lui, il marche sur le tapis. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà marché en talons hauts sur la glace, là, mais moi, la dernière fois, je me suis foulé une cheville. Je le conseille à personne, mais c'est vraiment un très bel exploit. Et juste pour ça, je pense qu'il faut leur donner les Jeux du ben Québec. Oui, mais en même temps, je veux dire, il y a Pierre-Carl, il sort d'un grave accident de vélo. Hein. Alors, je pense que c'était quand même plus dangereux pour lui de marcher sur la glace. Je dis ça ouais, comme ça. Il y avait beaucoup de place. D'ailleurs, ne manquez pas ma chronique dans le Journal de Montréal la semaine prochaine. Merci beaucoup, Olivier. C'est très gentil. Avant de terminer cette émission, Jean-Sébastien, est-ce que vous avez des questions pour nos invités? On n'a pas eu le temps en première heure, non. Mais là, on a tout le temps qu'on oui, veut. Oui, alors, beaucoup de courriels pour nos deux invités. Un premier courriel qui s'adresse à Alain. Une question intéressante que vous auriez pu poser tantôt, Jean-Philippe. Ben oui, j'étais Rachel Hippolyte. J'étais pas préparé. Voilà. Pour Alain Lefebvre, est-ce que vous aimeriez être le prochain directeur général du conservatoire? Il me semble que ce serait bien. Ce serait un lourd mandat. Il faudrait d'abord qu'on ait des gouvernements qui veuillent, avec passion, mettre de l'énergie dans la culture. Alors, un directeur n'a que très peu de pouvoir s'il est directeur de pas grand-chose. Et si le gouvernement écoutait la dernière émission, à mon avis, il nommera pas Alain. Mais bon, c'est ça que ça, c'est... Oui, je pense la même chose. Oui, bon, voilà. J'ai une question pour Léane également, qui nous vient d'une Geneviève Bélan. Est-ce qu'elle trouve que Jean-Philippe Vautier est la version cheap de son père ou c'est juste moi? Il y a plusieurs personnes en liste pour la version cheap de Marc. Je crois qu'il faut vraiment prendre toutes ces candidatures-là en réflexion et ensuite délibérer de manière prompte, oui, pour donner une réponse rapidement. Ouais, ben en même temps, je sais que vous êtes juste en arrière de moi dans la liste, alors j'ai hâte de voir le résultat. Continuez, j'en sais rien. Mais moi, j'ai des totons. Et moi, c'est méchant. Ben, attendez. Ça viendra. Ça va... C'est comme tout avec l'âge. Là. Avez-vous mais d'autres questions, Jean-Sébastien? Ben oui, un courriel toujours pour Alain qui nous vient de Oli Lapelle. Pourquoi Lefebvre, L-A-P-E-2-L-E? Okay. Pourquoi Lefebvre, F-E, accent grave, V-R-E, et non Lefebvre comme tout le monde? Vous n'êtes pas un peu snob, les artistes? Non. Lefebvre avec B vient de Lefébure, qui est de la noblesse française qui avait de l'argent. Et quand les gueux comme moi se sont appelés Lefebvre, vous aviez ils pas ont les eu l'obligation d'enlever le B. Ah oui? Et Lefebvre sans B veut dire l'ouvrier, l'artisan. Alors, quand tu vas en France, aujourd'hui, mais encore, dans les quartiers chics, les Lefebvre sont des B. Ah oui. Et dans les quartiers pauvres, et c'est fou. Vous savez que ma mère est une Lefebvre et elle l'a toujours écrit avec un B. Mais ta mère devait être riche. J'étais pas au courant de ça. C'est un notaire qui va me le dire. Okay. Oh, franchement, Fred Savard! Oh! Vous reconnaissez ce signal, j'imagine? Léane? C'est tellement une minute. Non, pas du tout. Ça, une minute de jeu à la troisième période. Ça indique, Léane, que c'est le moment de la blague du jour qui va comme suit, Jean-Philippe. Allez-y. Comment fait-on pour donner davantage de liberté à une femme? Oh. Mon Dieu, que ça va être niaiseux, ça, je le sais déjà. C'est quoi? Tu fais agrandir sa cuisine. Franchement... C'est une blague vintage. Je ne peux pas. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont trouvé drôle ici? Mais on est dans le Mylan. C'est sûr que le vintage, ça trend. Ça, c'est vrai, Léane. Hey, merci beaucoup tout le monde. C'est déjà la fin de ces deux belles heures. Non, ce dimanche. Je vous jure, Jean-Sébastien. Ça m'a paru trois, moi. Revenez pas la semaine prochaine, Fred Savard. Merci, Alain Lefebvre. Merci. Évidemment, on peut vous écouter en allant acheter le dernier album Chopin 24 Préludes sur Analecta. Et là, vous allez sortir votre prochain album avec Léane Labrèche d'Or. Yes. Merci, Léane. On vous regarde, évidemment, dans SNL la semaine prochaine. On est à la veille, là, dans moins de 148 heures. C'est génial. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Léane Labrèche. Merci, Barbara Judith Caron, pour être notre digne première chroniqueuse fille. Vous allez revenir. Vous avez le droit de le dire dans le micro. Merci tout le monde, merci à toute l'équipe, Marie-Hélène Vautier, Marie-Hélène Girard, Sébastien Pelle à la technique, Phil Roberge, Martine Hippolyte. On se revoit la semaine prochaine pour d'autres soirées qui seront encore jeunes. Merci tout le monde!